question pourrait situer davantage les gens qui sont ici ce soir, ce serait comment peut-on arriver à bien cadrer un enfant sans utiliser les moyens psychologiques déjà existants et comment serons-nous si nous paramétrons ces enfants de la bonne façon? Bref, que devons-nous leur interdire? Bon, alors, pour les personnes qui ne m'ont pas encore entendu en conférence, disons que j'ai fait plusieurs conférences sur l'enfant nouveau, savoir reconnaître un enfant nouveau. Et normalement, ce qui est quand lorsque je fais ces conférences, je frustre énormément de gens. Et c'est pourquoi il n'y a pas énormément de personnes intéressées, disons, à entendre parler de l'enfant nouveau comme moi j'en parle. Disons que premièrement, souvent on pense que l'enfant nouveau sera l'enfant parfait attendu depuis des milliers d'années par les parents. C'est-à-dire un enfant qui sera beau, qui sera gentil, qui sera serviable, qui sera doux, qui sera capable d'aimer, qui ne voudra pas faire la guerre, qui sera un pacifique né. Eh bien, il se trouve que ça peut être ça l'enfant nouveau, à l'exclusive condition qu'on lui permette d'être ce qu'il est. Si on veut le forcer à devenir cela, il va devenir ce qui se passe aujourd'hui. Un enfant qui sera porté au suicide, un enfant qui peut être extrêmement violent, un enfant qui peut devenir un destructeur de société. Un enfant qui saura manipuler les adultes au point d'envoyer plusieurs de ses adultes en dépression nerveuse. Un enfant qui sera apparemment très turbulent, très têteux en énergie, c'est-à-dire que lorsqu'on a travaillé avec, on est épuisé après. Ça sera un enfant qui sera appelé à vivre seul, un enfant qui fera des fugues, un enfant qui tentera des nouvelles expériences, des expériences qu'on lui interdit. Et donc, cet enfant que l'on attend, il n'est pas... Qu'est-ce qui différencie l'enfant ancien de l'enfant nouveau? Ce n'est pas qu'il est plus pacifique, ce n'est pas qu'il aime plus, ce n'est pas rien de spirituel dans le sens où on serait porté à attendre. Ce qui différencie l'enfant nouveau de l'enfant ancien, c'est que l'enfant nouveau est intelligent. Il y a une différence majeure à faire entre l'intellectuance et l'intelligence. L'intellectuance, c'est lorsqu'un humain est capable de se rappeler ce qu'il a appris. Et selon sa capacité de logiférer sur ses mémoires, c'est-à-dire de faire en sorte que sa pensée associative puisse fonctionner à partir de son expérience, on parle souvent d'intelligence. Ça, c'est de l'intellectuance. L'intelligence, c'est ce qui permet à un être humain de savoir des choses sans les avoir apprises. Ça, c'est intelligent. L'intellectuance, c'est ce qui permet à un humain de se rappeler des choses qu'il a apprises lorsque c'est intelligent ou utile de s'en rappeler. Alors souvent, on va regarder l'enfant nouveau et on va poser la question, mais où c'est qu'il prend ça, lui? Il n'y a pas besoin de prendre ça quelque part, il le prend simplement chez lui. Et c'est ce qui différencie déjà l'enfant nouveau de l'enfant ancien. Étant donné qu'il est intelligent, il saura décoder les faiblesses psychologiques de ses pédagogues ainsi que de ses amis. Et il deviendra un enfant relativement épeurant pour plusieurs adultes, un enfant qui sera manipulateur et qui sera difficilement manipulable. Alors, cela, juste pour faire un petit retour, parce qu'il y a beaucoup de personnes, à un moment donné, qui me disent « Oui, mais dans vos conférences, on ne parle pas d'amour. » Mais non, on parle de ce qui est réel. L'amour, c'est un phénomène intéressant. L'enfant nouveau peut aimer d'un amour intelligent. Et cet amour intelligent ne le fait pas souffrir. Alors, il pourra envoyer promener ceux qu'il aimera. Il pourra même les envoyer à la mort et continuer à les aimer. Et il pourra se suicider en continuant à aimer ceux qu'il laisse. Il pourra ne rester longtemps séparé de ceux qu'il aime sans jamais s'ennuyer, parce que l'amour intelligent, il n'est pas un amour souffrant. Tandis que l'homme ancien, comme l'enfant ancien, va aimer d'un amour psychologique, d'un amour sélectif, un amour qui fait souffrir. Alors, effectivement, cet enfant, on n'a pas besoin de parler d'amour pour l'instant, parce que ce n'est pas un sujet intéressant. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des enfants qui marchent bien. Ceux-là, ce n'est pas un problème. On devrait plutôt parler des enfants qui marchent avec de la difficulté. Et évidemment, lorsqu'on marche avec des difficultés, ce n'est pas en parlant d'amour et en sachant comment les aimer qu'on va les aider. Parce que si on veut aimer un enfant nouveau contre son gré, on risque d'en mourir. Daniel, je pense que la cassette ne fonctionnera pas, la lumière ne fonctionne pas. Ah, c'est pas un problème, c'est pas ça, problème. Ça fonctionne pareil. Voilà, pour t'avertir que ça marchait. Alors donc, que devons-nous interdire à l'enfant nouveau? Ce qui est intéressant de constater, c'est que tous les enfants sont suffisamment malléables pour qu'un enfant ancien puisse, dans la majorité des cas, puisse être, si on le laisse libre, puisse devenir un enfant nouveau, c'est-à-dire quelqu'un qui saura se prendre en main plus tard. Que devons-nous interdire? Ce soir, donc, c'est une conférence sur l'éducation, ce qui fait qu'on peut faire référence aux conférences qui sont déjà enregistrées sur cassette pour le reste. Et il y aura évidemment une période de questions d'une heure après cette conférence où je pourrai répondre et ajuster peut-être les choses qui ne seront pas comprises. La société, présentement, ne pense pas intéressant de reformer l'éducation. Et parce qu'elle trouve trop compliquée cette réforme de l'éducation, elle ne veut encore moins envisager la possibilité que l'enfant qui est dans nos écoles ou l'enfant qui naît dans nos familles soit quelque chose de neuf. Si c'est quelque chose de neuf, tout le système scolaire est archaïque, est déformé, est vieux, est inutilisable. Alors déjà qu'on ne veut pas adapter au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant le système scolaire, entendre parler d'un enfant neuf, d'un enfant nouveau, d'un enfant naturel mais anormal, on ne veut pas. Ce qui crée immensément de problèmes. Alors ça va dépendre évidemment des idées de certains pédagogues, de certains éducateurs pour faire des pressions à un moment donné pour qu'on accepte un peu plus l'idée d'un enfant nouveau. Quoi interdire à l'enfant nouveau? Alors on rentre dans la pédagogie, dans l'éducation, c'est quand même le thème de la conférence de ce soir. On ne devrait jamais rien interdire à un enfant nouveau. On ne devrait jamais rien interdire à un enfant ancien. On ne devrait jamais rien interdire tout court dans un système de pédagogie. Lorsque l'on interdit quelque chose, on oblige l'enfant à penser comme l'éducateur. Et éduquer ne veut pas dire faire en sorte que l'enfant pense comme l'éducateur. Éduquer veut simplement dire conserver l'enfant en vie et lui laisser suffisamment d'énergie pour lui permettre d'intelligencer ces événements. C'est-à-dire que éduquer veut dire laisser l'enfant libre de comprendre la vie et s'en éduquer. Et normalement, éduquer pour la pédagogie conventionnelle, cela veut dire instruire l'enfant de la façon avec laquelle il devrait vivre la vie. Alors, on dit à l'enfant de quelle façon il doit aimer, on dit à l'enfant ce qu'il doit ne pas aimer, on dit à l'enfant ce qu'il devrait faire pour vivre, on interdit certaines choses et cela et cela et cela. Pourrais-tu faire une différenciation entre paramétrer et interdire complètement quelque chose? Oui, paramétrer, c'est de l'éducation, c'est-à-dire créer des cadres dans lesquels l'enfant devrait se retrouver. Parce que, premièrement, un cadre est synonyme pour un enfant de sécurité. La conscience de l'enfant, elle est comme la conscience de l'homme. Le paramètre évolutif de l'homme va souvent être la religion, la théologie, la morale, la loi, la société, la politique, la matière, l'argent et ces choses-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'humain se pose des questions et à ces questions, il ne voit pas de réponse. La matière peut l'amener à ne plus se poser ces questions-là. Tel sera le travail de la cigarette, de l'alcool, de la drogue, du travail intensif où on devient suffisamment épuisé qu'on ne peut plus trop penser, de ce genre de choses, ainsi que la sexualité qui baisse énormément le potentiel vibratoire de l'homme et de la femme, ce qui finit par l'amener à ne plus trop penser en hauteur à des questions sans réponse. Alors, le paramètre chez l'adulte va donc être la religion. Par exemple, les voies de Dieu sont impénétrables. C'est un paramètre tout à fait aberré pour l'enfant nouveau, mais qui peut être utile pour l'enfant ancien, pour l'homme ancien, ainsi que pour les personnes transitives. Lorsque l'on prend l'enfant et l'enfant ancien transitif ou nouveau et qu'on le place dans un cadre où il n'y a pas de frontières apparentes, l'enfant va vouloir poser des questions et ces questions pourront s'étendre jusqu'à un point limite dangereux, un point où la question va aller hors de la conscience de l'enfant et l'enfant, vivant cet état psychologique, vivra dans l'insécurité totale parce qu'il n'aura rien sur lequel s'appuyer. Donc, effectivement, on doit paramétrer l'éducation d'un enfant, on doit le paramétrer sans lui interdire quoi que ce soit. Alors évidemment, ça devient compliqué pour la simple raison que qu'est-ce que l'éducateur interdit? Tout ce qui fait mal à l'éducateur est interdit à l'enfant, premièrement. Donc, on interdit carrément à l'enfant d'agir en adulte pour la simple raison que lorsque deux adultes ont à s'affronter, ils s'affrontent. Lorsqu'un enfant veut affronter un adulte, on le chicane, on le punit, on le met en ceci, on le met en cela, pour la simple raison qu'il doit respecter l'adulte, même si l'adulte ne respecte pas l'enfant. Il doit honorer ce qui n'est pas nécessairement honorable. Il doit embarquer dans un cadre de communication qui souvent échappe au contrôle de l'adulte, mais l'enfant ne doit pas y échapper, la politesse par exemple, et etc., etc. Ce qui fait qu'on peut, on doit paramétrer. On doit paramétrer l'enfant de quelle façon? Il y a, premièrement, au niveau de l'accès à l'enfant, une chose très importante qui devrait être notée dans la tête ou sur papier, ou sur cassette, c'est que éduquer ne veut pas dire faire en sorte que l'enfant pense comme l'éducateur. Le parent n'est pas là pour obliger l'enfant à penser comme lui. Le professeur n'est pas là pour cela. Le prêtre, le gourou, le maître, le théologien, le policier, le magistrat n'est pas là pour ça. L'enfant doit avoir la possibilité de comprendre pourquoi un jour l'homme a décidé que le monde serait ce que le monde est. Tandis que présentement, l'éducation force l'enfant à accepter inconditionnellement que le monde est cela. Si l'enfant ne comprend pas pourquoi le monde est cela, évidemment, il passera sa vie d'enfant, d'adolescent ou de jeune adulte, souvent, si c'est un enfant nouveau, certain, à vouloir déformer ce monde. L'homme qui a vécu dans le passé a formé le monde que nous connaissons. Et l'adulte d'aujourd'hui persévère dans cette formation ou dans cette cristallisation du monde tel qu'il est. L'enfant qui vient au monde, lui, est aussi créateur que nos ancêtres. Sauf que dans le monde créé par nos ancêtres, on interdit à l'enfant d'être l'égal de nos ancêtres. On va dire à l'enfant, oui, tu peux créer, mais pour créer, tu devras maintenant suivre les lois de la création. La loi qui va dire, par exemple, on fait un dessin sur la vie, une chose qui t'a frappé dans la vie. On demande à des enfants d'âge élémentaire de faire un dessin de quelque chose qui les a frappés dans la vie ou qui les intéresse. Alors, il y a un enfant qui va dessiner un chien en train de fourrer une chienne. Alors là, le professeur va être aussi frustré que certains l'ont été ici ce soir. Et on va expliquer à l'enfant que ce sont des dessins qu'on ne fait pas. Donnez une raison intelligente à l'enfant, il comprendra. Mais vous n'arriverez pas à trouver une seule raison intelligente pour interdire à un enfant que ça, ça ne se dessine pas, que ça, ça n'est pas intéressant par son âge, que ça, ça ne s'aime pas, que ça, ça... Bon. Alors l'enfant, lui, commence déjà à être obligé de... C'est un peu comme si on disait à un enfant, « Tu dessines le monde et je te donne un crayon bleu et un crayon vert. Vas-y. » Et le monde est mieux d'être comme il est. Avec deux crayons, deux couleurs, l'enfant ancien va s'efforcer, il va se sentir coupable de ne pas réussir. L'enfant transitif va s'efforcer, il va gueuler, il va crier, il va se sentir coupable tout en maudissant sa culpabilité et en haïssant son professeur. Et l'enfant nouveau va carrément faire bouffer ses deux crayons au professeur. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'enfant nouveau va expliquer au professeur que le cadre dans lequel il est forcé d'être placé est un cadre d'imbécile. L'éducateur qui veut que l'enfant pense comme lui, l'éducateur ancien ou transitif, va automatiquement réagir en mal et vouloir forcer l'enfant. Quand je dis qu'on n'interdit rien, on n'interdit pas à un enfant de faire sa crotte à côté de la toilette. On n'interdit pas à un enfant de ne pas crever l'œil de son ami. On n'interdit pas à un enfant de prendre le revolver de son père qui est policier et d'aller tuer la voisine ou le professeur. On n'interdit pas ça à un enfant nouveau. On n'interdit pas à un enfant quoi que ce soit. Maintenant, si on ne l'interdit pas, on va dire alors l'enfant va s'en aller puis il va commencer à tirer tout le monde. L'enfant nouveau est un être intelligent. Un être intelligent ne fait pas ce genre de choses. Sauf si à un moment donné, on interdit continuellement à un enfant des choses, et il ne pourra plus discerner en vieillissant ce qui est intelligent et ce qui ne l'est pas. Alors évidemment, il tentera des expériences pour découvrir les lois écologiques qui régissent son système d'évolution. Et dans ces expériences, il y aura des choses qui auraient été préférables que l'enfant ne fasse pas. Alors, si on n'interdit rien à l'enfant, qu'est-ce que va-t-il devenir de l'enfant? Premièrement, ce sera un enfant heureux. Et normalement, si l'éducateur est suffisamment vibratoire pour comprendre qu'on ne doit pas interdire, ça se fera aussi un professeur ou un éducateur ou un parent heureux. Si l'enfant ne voit pas son monde limité par l'interdiction, parce que qu'est-ce que c'est qu'interdire? Interdire demande de l'humain de la stupidité. On ne veut pas que vous compreniez pourquoi une chose ne doit pas être faite. On ne vous demande même pas de comprendre. On vous l'interdit. Alors, comment faire en sorte que l'enfant devienne intelligent dans un paramètre éducatif d'interdiction? Pourquoi je ne dois pas faire ceci? Parce que ça ne se fait pas. Alors, l'enfant se lève, il maudit le point d'en face de son chum, puis regarde le professeur, puis il dit, « Ben oui, ça se fait, gars. » Il de le faire. La réponse était une réponse qui était émotive, une réponse qui est théologique, une réponse spirituelle, et pas une réponse réelle. Si par contre l'enfant comprend l'absurdité de certains gestes, parce que cela brise un cadre écologique, parce que cela amène des conséquences intelligentes, des conséquences écologiques, qui théologiquement portent le nom de conséquences karmiques, alors l'enfant ne le fera pas, mais il aura compris pourquoi ne pas le faire. Je peux comprendre, disons, ces notions-là pour des enfants d'un certain âge qui sont en mesure de comprendre. Mais si je prends l'enfant de un an, deux ans, trois ans, si tu ne lui fais pas sentir au moins que c'est dangereux s'il y a de telles choses qu'il utilise, comment est-ce qu'il va être capable de le capter ou de le percevoir? Il se trouve que la possibilité d'expression de l'enfant est toujours en résonance avec sa possibilité de compréhension. L'enfant de 3 ans, tu n'as pas besoin de lui expliquer qu'il ne doit pas frapper son voisin, il n'est pas capable. Par contre, il peut se nourrir avec du Ajax ou du Comet. Ça va de soi. Comment lui expliquer que le Ajax n'est pas bon pour la santé? On va dire qu'il ne peut pas comprendre. C'est faux. Pour l'éducation, donc, il faut juste, et c'est important de prendre des notes peut-être sur ce qui n'est pas suffisamment élaboré pour qu'à la période de questions, on puisse y aller. Parce qu'il ne faut pas qu'un individu, à un moment donné, sorte et qu'il dise à son enfant, « Bon, ben vas-y, maintenant, je n'interdis plus rien, fais tout ce que tu veux. » Non, là, il est trop tard. On lui en a passé la vie à le programmer des interdictions. Maintenant qu'on le lâche lousse, qu'on le libère, bien évidemment, l'enfant risque de faire un paquet de conneries qu'il va regretter et que d'autres vont regretter. Alors, il faut faire attention. On parle d'un cadre et par la suite, il suffira d'apprendre à ajuster ce cadre. D'ailleurs, on fera une conférence dans 3 semaines sur vivre avec un enfant nouveau. Et je crois que tout au long de l'année, une fois par mois, on fera aussi une conférence sur l'éducation et sur l'enfant. Même si le public n'est peut-être pas extrêmement réceptif encore, parce que, je répète encore une fois, c'est qu'on ne veut pas que l'enfant nouveau soit un monstre. Et si on ne veut pas qu'il soit un monstre, on n'est pas intéressé à le connaître. Et de cette façon-là, on peut être sûr que ce sera un monstre. Bon. Au niveau d'éducation, il y a 2 phénomènes extrêmement importants à comprendre. Tout le cadre de l'éducation, qu'il soit parental ou scolaire, devrait être basé là-dessus, même social. Il y a une éducation qui peut porter le nom d'un système de non-intervention. Et il y a le deuxième système qui va porter le nom du système d'intervention. L'éducateur, le professeur, le parent, le pédagogue devrait toujours prendre en considération, premièrement, qu'on ne doit pas interdire, mais expliquer à l'enfant l'inécologie d'une chose. Alors, on va dire, oui, mais ça ne se fait pas, ça, d'envoyer aux toilettes, chier ta grand-mère. Mais l'enfant va dire, oui, ça se fait, j'ai de le faire. Puis, le parent doit expliquer, ou le pédagogue doit expliquer l'inécologie de ce genre de langage. Alors, il doit expliquer à l'enfant, et quand l'enfant est capable de prononcer ces mots, il est capable de comprendre, parce que s'il prononce ces mots, c'est qu'il décode le fait que ces mots-là ont une puissance chez l'adulte à qui il parle. Donc, il peut comprendre le phénomène de l'inécologie de ces mots. Peux-tu donner un exemple sans qu'on ait appliqué un côté moral, si tu veux? Oui, effectivement. Le côté moralisateur est tout à fait inutile au niveau de l'enfant nouveau et c'est souvent extrêmement dégradant au niveau de l'enfant ancien, comme de l'enfant transitif. Interdire, il y a interdire cela. Prenons l'exemple d'interdire de traverser la rue. Je donne un exemple que je donne souvent, mais qui est quand même relativement fréquent au niveau de nos sociétés. Alors, l'enfant, on le blâme parce qu'il traverse la rue, non pas aux intersections, il la traverse n'importe où, il sort entre 2 automobiles, il court après sa balle, etc. Alors, l'enfant, s'il est d'âge à pouvoir comprendre, à pouvoir chercher à traverser la rue, à pouvoir marcher pour aller dehors, il est d'âge à comprendre certaines choses. Ce qui arrive, c'est que le parent ou le pédagogue, qu'est-ce qui est le mieux orchestré pour éduquer un enfant nouveau? Ben, c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion. Quand j'ai dit ceci, il y a encore beaucoup de public qui ne reviennent plus après. Parce qu'ils veulent évidemment pouvoir aimer les enfants, les chouchouter, les gratter la tête, chercher les poux. Et l'enfant nouveau ne peut pas supporter cela longtemps. Moins un adulte a d'émotions, plus il peut fonctionner intimement relié à la vie de l'enfant nouveau. L'enfant nouveau a des sentiments, l'enfant nouveau aura de l'émotion aussi. Mais je parle au niveau de la pédagogie. Lorsque le contact doit se faire au niveau de l'émotion, il se fera au niveau de l'émotif. Lorsque l'enfant ne veut pas faire quelque chose, la lacune chez l'homme, c'est qu'il a de l'émotion. Alors, automatiquement, l'enfant nouveau tente de le manipuler par sa faiblesse émotive. Si l'homme, le pédagogue, est à ce moment donné le mental, donc il ne vit pas sur un plan d'émotion, il pourra évidemment coordonner l'enfant. Prenons l'exemple, encore une fois, de traverser la rue. J'ai dit souvent que si on chicane l'enfant pour qu'il ne traverse pas la rue sans regarder ou pour qu'il la traverse aux intersections, bien évidemment, quand le pédagogue sera là, l'enfant regardera où ira à l'intersection. Lorsque le pédagogue n'est pas là, bien l'enfant se fout, l'enfant traverse n'importe où. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris l'intelligence de l'intersection ou l'intelligence de regarder. Il sait simplement qu'il doit regarder pour ne pas manger une volée. Mais lorsque la volée est loin parce qu'il n'y a personne qui le regarde, bien évidemment, il traverse sans regarder parce que maintenant, il n'y a plus de raison de regarder. L'enfant, si on lui explique l'intelligence de l'écologie, alors on l'amène devant un automobile, on lui montre des photos d'accidents, on peut même lui montrer des photos de personnes qui se sont fait frapper, alors on va dire « Ouais, mais à 3 ans, tu le traumatises déjà. » Ça, c'est un gros problème. L'adulte se traumatise, l'enfant ne se traumatise pas, sauf lorsqu'il est convaincu, parce qu'il a été mal éduqué, que la vie est ceci, et qu'à un moment donné, paf, il découvre la réalité. Oh, la mort, on n'en parle pas. Paf, un jour, son chum se fait tuer. Et là, il sera traumatisé. Mais s'il apprend à connaître la mort dès l'instant même où il commence à parler de la vie, ben évidemment, quand la mort va arriver, ben il va tout simplement dire, ben c'est normal. C'est vrai que c'est normal, c'est naturel. Alors, si l'enfant comprend l'intelligence de regarder les côtés, parce qu'il apprend à souffrir un petit peu, c'est-à-dire qu'on peut lui montrer ce que ça donne, on lui montre certaines choses, et on lui dit qu'on veut qu'il regarde ou on veut qu'il traverse aux intersections, puis on lui explique. Et là, évidemment, l'enfant devrait poser cette question s'il est suffisamment libre. Alors, pourquoi tant de gens traversent n'importe où? Alors, il faut commencer immédiatement à éduquer l'enfant sur l'absurdité de notre société. Et encore une fois, on va dire, ben non, on ne doit pas faire ça, l'enfant va haïr la société. Non, l'enfant haït la société lorsqu'un jour, à l'adolescence souvent, il découvre que la société utopique qu'on lui a inculquée n'est pas la réalité. Alors l'enfant apprenait immédiatement qu'il y a des adultes, qu'il y a des enfants, qui ne comprennent pas l'intelligence de ces choses-là et qui souvent traversent n'importe où et c'est eux qui se font frapper. Alors, il y a des adultes qui ne le savent pas, et lui, s'il le fait, ben, il va peut-être vivre plus longtemps, il ne sera pas blessé, et il va, etc., il y a des raisons à lui donner, puis l'enfant va comprendre. C'est évident que l'enfant peut oublier certaines raisons à un moment donné. On doit l'arrêter violemment, c'est-à-dire qu'on doit l'arrêter avec de l'énergie. Je ne dis pas en frappant dedans, je dis avec de l'énergie. On doit communiquer avec et lui réexpliquer. Le problème de l'adulte, qui est pédagogue, qui éduque, c'est qu'il est convaincu que la répétition ne sert à rien. Alors, il va dire, oui, mais ça fait 4 fois que je lui dis. Il est temps que là, hein, ça rentre. Alors, on va le mettre en pénitence, on va faire des copies, ben là, on va le battre. Non. L'adulte devrait se regarder dans un miroir et se demander, ça fait combien de fois que je dis que je vais arrêter de fumer? Ça fait combien de fois que je dis que je vais manger mieux? Ça fait combien de fois que je dis que je n'aurai plus peur de sortir tel soir? Fait combien de fois que je me dis que je devrais suivre un régime? Fait combien de fois que je me dis que je devrais plus me choquer? Fait combien de fois que, puis je me respecte encore, puis je me trouve encore beau, puis je me dis qu'un jour ça va venir? Mais l'enfant aussi, il a le droit. L'enfant est conçu comme l'adulte. Il a certaines particularités au niveau de sa psychologie. Premièrement, l'enfant a un âme, c'est-à-dire qu'il a un endroit mémoriel qui accumule de l'expérience et dans laquelle va naître l'ego. Chez l'enfant nouveau, la crise d'adolescence psychologique va se faire entre 6 et 8 ans. Et chez l'enfant ancien, entre 10 et 14, 15, 16, 17 ans. La psychologie chez l'enfant nouveau subira son adolescence avant terme, c'est-à-dire avant l'enfant ancien, tandis que biologiquement, ils auront leur adolescence similairement en même temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 choses chez l'homme. Et évidemment, il y en a 3, mais parlons des 2 principales. Ils se retrouvent chez l'enfant. Il y a premièrement une faculté intelligente qui peut porter le nom, disons, d'énergie ou de plan mental, chez l'adulte comme chez l'enfant. Et il y a une particularité qui peut s'appeler la psychologie, qui est la relation entre l'émotion, le désir et la mémoire. Le plan de la psychologie qui vient de l'étymologie science qui étudie l'âme, psychos, âme, logie, science qui étudie la relation. La psychologie, elle est mémorielle. Elle est désir et elle est émotion. Et l'être humain a une autre partie qui porte le nom d'intellect lorsque c'est naissant chez l'humain et qui, si cet intellect se libère du phénomène émotif psychologique, devient le plan mental. Cela permet à l'humain d'être intelligent et de légiférer sur sa vie, de comprendre logiquement des choses et de faire des choix et des décisions qui seront conséquentielles, donc écologiques. Et il y a évidemment la partie psychologique qui fera des décisions émotives, des décisions où l'humain espérera que ça va aboutir, mais sans nécessairement chercher la conséquence ou l'écologie de sa décision. Si un jour il y a une guerre nucléaire, ça sera une décision psychologique et jamais une décision mentale écologique. Alors l'enfant est manipulé comme l'humain par sa partie égoïque, sa partie mémorielle, sa partie émotion et désir. Et l'enfant peut gérer sa vie à partir de sa partie mentale, comme l'homme peut le faire. Or, il n'est pas question d'apprendre à contrôler ses émotions, absolument pas. Il est question d'apprendre à obliger l'enfant, et l'enfant nouveau a vu déjà ces deux états, à l'obliger, c'est-à-dire, quand je dis obliger, il faut bien comprendre, à obliger le cadre à permettre à l'enfant d'évoluer sur ces deux plans, plutôt que de finir par évoluer que du point de vue psychologique. Alors, à un moment donné, l'enfant qui n'évolue que du point de vue psychologique finira par ne plus être capable de discerner le mental de sa psychologie. Alors, il appellera le mental l'intellect, et il finira par se dire « Je veux ceci ». C'est du désir, c'est psychologique. Et pour l'avoir, je vais réfléchir et trouver le moyen. Alors, il assujettit son plan intellectuel, son plan mental, à servir son plan psychologique et émotif. Et l'enfant nouveau, qui a une intelligence relativement puissante, deviendra un manipulateur dangereux. Parce que ça peut faire des délinquants hyper complexes. Parce que justement, ils auront l'intelligence de faire aboutir leur désir. Et le désir étant émotif, il est toujours inécologique. Tu veux dire qu'un enfant nouveau qui est dans son intelligence peut être à ce point manipulé par des structures qui n'auront pas été modifiées pour lui permettre d'évoluer d'une façon beaucoup plus intelligente? S'il est dans son intelligence, non, mais s'il est dans l'intelligence de la masse, oui. C'est-à-dire que si on prend un enfant, d'ailleurs comme n'importe quel des adultes, et qu'on veut obliger ces personnes à devenir collectifs, dans le genre, tu peux pas mettre ça pour aller à l'école, ça se met pas. Donc, il devrait penser comme tout le monde. Tu ne dois pas faire ceci parce que les autres vont trouver que. Alors, il devrait être comme tout le monde. C'est pas normal de faire ça. Donc, il devrait être comme tout le monde. S'il est dans l'intelligence collective, il est dangereux. Et ça va, veut pas faire quelque chose de problématique. Quand je dis dangereux, ça peut être pour lui, ça peut être pour les autres. Quand je dis que l'enfant nouveau est un être humain qui peut se suicider facilement, la deuxième cause de mortalité au Québec, au niveau infantile, et le suicide. C'est en progression et d'ici quelques années, la première cause de mortalité infantile sera le suicide. Alors, je crois qu'il est temps qu'on cesse de parler de penser à l'enfant hyper joli qui aime la vie, qui sert ses parents et qui est en service, l'esclave parfait. On doit comprendre que l'intelligence fait que si la vie n'est pas logique, évidemment, c'est logique d'aller voir ailleurs. Et ailleurs peut être la mort. Pourrais-tu élaborer davantage ce que ça veut dire être dans son intelligence? Être dans son intelligence, cela veut dire que lorsque l'enfant a le désir de faire quelque chose, il n'y a aucun interdit qui l'en empêche, alors il le fait. Ce qui oblige l'enfant à assumer la responsabilité de ses actes. Et lorsque l'acte qu'il a accompli est maintenant conséquentialisé, c'est-à-dire qu'il peut récolter ou payer pour, eh bien là, il est le temps que l'enfant mentalise. Donc là, l'enfant, dans son intelligence, pourra dire « J'ai fait ceci, se passe cela, ce n'est pas ce que je voulais ». Donc, l'enfant va apprendre à découvrir si on lui permet de penser. C'est-à-dire que si on lui donne la réponse toute crue, l'enfant ne pense pas. L'enfant va finir par toujours poser des questions connes. Genre de questions connes. Pourquoi on ne veut pas faire ça? Ben, c'est à cause qu'il y a ceci, cela. Pourquoi il y a ceci, il y a cela, il y a... Bon. À un moment donné, ça devient tout à fait épuisant pour l'éducateur parce qu'on dirait que l'enfant ne veut plus, l'enfant ne fait que poser des questions et l'enfant ne réfléchit pas. L'enfant ne veut pas trouver de réponse. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut obliger l'enfant à se répondre. Ça demande de l'énergie pour l'habituer, mais on va donc revenir à nos deux phénomènes d'éducation, la non-intervention et l'intervention. La non-intervention, elle devrait être comprise par, premièrement, le paramètre du laisser-libre. C'est-à-dire que l'enfant fait ce qu'il a le goût de faire. L'enfant fait ce qu'il a le goût de faire de façon, non pas à se bâtir, de façon à ce que l'éducateur puisse avoir de l'expérience vivante pour expliquer à l'enfant les lois qui régissent son domaine d'évolution, la planète Terre. C'est-à-dire que lorsque l'enfant a 2-3 mois, lorsque l'enfant a 2-3 ans, lorsque l'enfant a 4-5 ans, lorsque l'enfant a 5-6 ans, si toujours on l'a laissé libre, on a permis à l'enfant d'arriver à faire des expériences en regard, en résonance, équilibré avec sa possibilité d'expérimenter. C'est-à-dire qu'un enfant qui a 12 ans, si on décide du jour au lendemain de le laisser libre, il va se sentir tout à fait insécure, il va virer fou, c'est-à-dire qu'il va finir par plus rien comprendre. Alors, donc, on parle d'une phase d'évolution graduelle. On va évidemment revenir à un moment donné sur l'adaptation de l'éducation aux enfants qu'on a présentement. C'est sûr que certains pédagogues, quand je parle pédagogue, on parle de parents, professeurs, éducateurs, policiers, assistants sociaux, etc. Là, certains pédagogues pourront faire l'ajustement d'eux-mêmes, mais disons qu'on va revenir quand même en conférence. Le laisser libre veut dire que... Ça veut simplement dire qu'on a un enfant de 4 ans, par exemple, et on reste à la campagne. Il y a une voie ferrée pas loin. Alors, l'enfant décide d'approcher pour aller jouer sur le bord de la voie ferrée. Alors, on le laisse aller. On ne lui dit pas que c'est dangereux, que c'est ci, que c'est ça, parce que l'enfant, s'il n'expérimente pas, il ne pourra pas croire. Alors, il va près de la voie ferrée. C'est évident que s'il y a un train qui s'en vient, on passe dans la phase d'intervention immédiate. Et évidemment, là, on intervient. La phase d'intervention immédiate, donc celle de l'intervention directe, doit consister à permettre à l'enfant d'intelligencer, c'est-à-dire qu'on doit intervenir et s'arranger pour que l'enfant comprenne pourquoi on est intervenu. On va y revenir. Lorsque l'enfant se rapproche de la voie ferrée, il n'y a pas nécessairement de train, l'enfant a 3 ans ou 4 ans, disons, l'enfant nouveau quand même assez avancé, l'enfant ancien peut aussi être assez intéressant. Alors, il s'approche de la voie ferrée et on le laisse libre. Il va expérimenter, il peut s'asseoir dessus, il peut jouer sur la voie ferrée, ça sent l'huile, donc il y a des nouvelles odeurs, des choses qu'il va découvrir, ce qui fait qu'il peut commencer à vouloir camper là. Bon. On le laisse faire, on va passer à côté de lui et on va lui demander s'il veut venir avec nous. L'enfant peut venir, l'enfant vient. Si l'enfant vient, on passe dans la phase d'intelligenciation à poser quelques questions et on va aussi lui expliquer que sur ces choses-là, il y a des machines construites par l'homme qui passent. Et ça peut être dangereux. C'est évident que l'enfant doit être en très bas âge initié au danger, aux blessures, aux maladies, aux handicaps physiques, aux handicaps mentaux et à la mort, pour qu'il puisse comprendre l'intelligence de tout ce qu'on va vouloir lui inculquer. Hein? Tu ne dois pas jouer avec un couteau, pourquoi? C'est dangereux. Mais jamais on lui a parlé que le sang existait. Jamais on lui a dit que lorsque le sang coulait d'un corps humain, ça pouvait entraîner la perte du corps humain. Jamais on lui a expliqué ces choses, parce qu'on ne veut pas en parler nous-mêmes. Mais lorsque l'enfant sait tout ça, ça devient facile en maudit de l'éduquer à faire attention. Est-ce qu'il est bon de provoquer des situations d'apprentissage pour l'enfant, même s'il n'est pas rendu à terme? Si on sait qu'il y a une voie ferrée dans l'endroit où on demeure, de provoquer, si tu veux, la situation pour que l'enfant vienne en contact. Au moins, il devient plus averti si là, ça prend un certain temps. Dans un domaine un peu dangereux. Ça peut être intéressant de provoquer certaines formes d'expérience, mais chez des enfants qui sont rendus à un certain âge, et des enfants qui ont des tendances à vouloir faire des fugues, des enfants qui ont des tendances à vouloir se suicider, ces enfants-là, on devrait les paramétrer dans un cadre plus initiatique, c'est-à-dire dans un cadre plus expérientiel où on devrait forcer l'expérience. L'enfant qui veut faire des fugues, c'est parce que tout le cadre dans lequel il est ne lui amène rien au niveau vital, au niveau vivant, rien de suffisamment grand pour qu'il puisse apprendre à surmonter, c'est-à-dire que l'enfant est trop intelligent, trop génial, et le jouet de la vie dans le cadre où il est n'est vraiment pas à la hauteur de son génie. Alors l'enfant veut aller fouiller, veut faire des fugues ou veut se suicider pour aller expérimenter ailleurs. Normalement, l'enfant suicidaire, si on commence à lui donner de l'expérience, c'est-à-dire comme j'expliquais à un moment donné, et là je donne des exemples pour comprendre les principes. On ne fait pas ça nécessairement. Chaque enfant est différent, donc le pédagogue doit devenir suffisamment vivant pour s'adapter. Un enfant suicidaire ou un enfant qui réellement devient amorphe, refuse de manger, sauf presque d'anorexie mentale à un moment donné, cet enfant-là doit souffrir. Pourquoi? Parce que la vie devient tellement plate, la vie devient tellement haute, la vie devient tellement un peu comme l'école. Lorsque tu es génial en mathématiques puis qu'on te montre du 2 plus 2 font 4, ben, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la bibliothèque, tu vas compter les herbes dehors, tu vas à l'école buissonnière, tu ne vas rien savoir de l'école. Lorsque la vie devient plate, l'enfant fait aussi la vie buissonnière. Bon. Alors, l'enfant qui, par exemple, serait suicidaire, ben, c'est évident que si, à un moment donné, on l'amène voir un film d'horreur, ça va l'aider. Un film d'horreur va lui faire peur. S'il part à rire, on a échoué. L'enfant ne doit pas s'amuser parce que l'enfant s'amuse et il s'amuse plat. Alors, on doit amener l'enfant, par exemple, à la chasse ou on doit amener l'enfant à voir des choses qui, à un moment donné, vont stimuler des questions chez lui. Et normalement, les questions la stimulation de ces questions sera à cette étape de fugue. Évidemment, si c'est des familles qui se battent toujours à la fugue, on va pouvoir, disons, animer l'enfant par des choses peut-être plus positives de la vie. Mais lorsqu'on se rapproche du suicide, normalement, l'enfant va être stimulé par des choses qui vont l'amener à poser des questions. Et ces questions-là seront des questions qui, normalement, vont germer chez lui si on lui montre des choses violentes. Alors, évidemment, ça paraît con dans l'éducation. Mais remarquez qu'on passe notre temps à éduquer l'enfant avec la paix. On veut tout cacher. Et à la télévision, on lui donne de la violence sans violence, c'est-à-dire que de la violence qui ne choque pas l'enfant. L'enfant regarde ça et ça devient du gâteau à manger. Alors, à un moment donné, ça devient programmé chez lui. Il pense que c'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je parle de quelque chose de pas mal plus violent. Un enfant qui veut se suicider, c'est évident que si à un moment donné, un éducateur qu'il ne connaît pas rentre dans sa chambre, commence à lui crier des bêtises. le ramasse par le chignon, le plaque sur un mur, lui donne une claque en plein visage et sort de la chambre. L'enfant ne se suicidera pas ce mois-ci. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il ne connaisse pas le pédagogue, il faut qu'il ne comprenne pas ce qui lui est arrivé. Il va chercher à comprendre. La vie recommence à avoir du piquant. Alors, à un moment donné, je vais vous donner l'exemple. Une personne, à un moment donné, pense à se suicider. Et ça a été suffisamment expérimenté au cours des guerres. Et on peut l'expérimenter encore au cours de tremblements de terre ou ce genre de choses-là. À un moment donné, ta vie, tu veux te suicider. La vie, ta vie est en danger. Tu ne penses plus au suicide, tu penses à sauver ta vie. C'est con, mais c'est ça qui se passe. Pourquoi? Parce que la vie, on dirait que là, il y a un repiquant. Exactement comme celui qui se sauve, qui se sauve, qui se sauve, qui ne veut tellement pas se faire attraper parce qu'on va le tuer, qu'il finit par se tirer une balle dans la tête pour pas se faire attraper. Il veut tellement vivre qu'il finit même par se tuer pour vivre. C'est le même phénomène pour celui qui veut se suicider si, à un moment donné, on finit par lui donner du piquant. Et le piquant, normalement, dans cet état psychologique ou pathologique, va souvent être quelque chose qui va l'amener à être traumatisé. C'est sûr que l'enfant qui voit toujours des laideurs va être traumatisé par quelque chose de beau. Et l'enfant qui ne voit apparemment que où ce qu'on lui interdit carrément de penser que le monde est ce qu'il est, ben il finit par être comme Bouddha lorsqu'il est sorti de sa cabane, ben il a carrément été traumatisé. La vie devenait plate, sorti, il a commencé à trouver ça intéressant. Répéter chez l'enfant, ça permet de programmer sa psychologie. Une grosse partie de l'éducation fait partie de la programmation de la psychologie. Et ça, l'éducation conventionnelle le sait. Si l'enfant est tenant en classe, on lui fait copier 3000 fois. Je ne serai plus tenant en classe. Et il prend 3 crayons, puis il écrit 3 lignes à la fois. Puis à un moment donné, il fait des photocopies, parce que c'est impeccable, les photocopies aujourd'hui. Le professeur s'en rend pas compte. Ou bien non, à travers les copies, je ne serai plus tenant en classe. Le professeur est beau sans dessin. Puis le professeur, ben, il lit pas. Puis là, ça défoule l'enfant. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on programme. Tu fais répéter 2 plus 2 font 4, 2 plus 2 font 4, 2 fois 2, 4. Bon, il finit par le mémoriser. Ça, c'est une partie de la structure qui peut être programmée chez l'enfant. Sauf que lorsqu'on fait d'un enfant qu'un programmé, on fait un enfant savant comme les chiens savants. Alors l'enfant fera tout ce qu'on lui demandera dans la société parce qu'il sera content lorsqu'on va lui dire qu'il a bien fait, lorsqu'on le flatte, comme on flatte le chien, parce qu'il sera content de recevoir ses bonbons et parce qu'il aura peur du fouet ou de la punition. Bon, il y a donc ce phénomène de la psychologie qui doit être programmé par la répétition, toujours convenable. Alors, si on répète 300 fois, c'est pas grave, ça marche. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'on éduque l'enfant à long terme, même si on travaille dans l'immédiat terme, et on n'éduque pas l'enfant pour nous, on l'éduque pour lui. Donc, il faut être patient. On met des enfants au monde, il faut qu'on ait une raison intelligente d'avoir des enfants, ou d'être professeur, ou d'être pédagogue. Sinon, lâchez tout de suite, allez vous éduquer des robots, c'est plus facile. L'enfant est un humain vivant. Dans le deuxième plan qui doit être travaillé, c'est le plan du mental. Ce plan du mental peut être travaillé si on pose à son tour, on se demande continuellement, pardon à l'enfant, qu'est-ce qu'il pense de ceci? On ne doit pas lui dire quoi penser d'une chose, on doit lui demander ce qu'il en pense. Bon. Dans la phase de non-intervention, cela veut dire que le pédagogue a un œil scruteur sur la vie de l'enfant. Alors, deux enfants s'approchent, ils se chicanent pour un jouet, on les laisse se chicaner. Ils doivent expérimenter le phénomène avant qu'on intervienne. Sinon, comment voulez-vous qu'ils connaissent le phénomène? C'est comme de dire, bois pas ça, c'est pas bon. Ben, c'est pas bon. Écoute, j'aime ça, moi. Bon, ben alors, laisse le boire. Blah! Là, tu peux aller lui dire, c'est pas bon. Là, il va dire, hey, je le sais. C'est correct. Là, il va finir par te respecter parce que tout ce que tu vas lui dire, ça va être en accord avec ce qu'il vit. La non-intervention demande de surveiller librement l'enfant, donc on le laisse aller libre. Lorsque l'enfant s'approche d'un danger quelconque, lorsque l'enfant, par exemple, deux enfants se chicanent, alors on les laisse se chicaner. Et lorsque les enfants sont suffisamment dans leur phase de chicane, comme un adulte, comme n'importe quel adulte, ils vont finir par cesser de chicaner à un moment donné. Ils vont être capables, lorsque la chicane est finie, de se reposer psychologiquement. Ça peut prendre 2, 3, 4, 5 minutes. Ils vont peut-être être colériques et être haineux. Et là, ça peut être le temps d'approcher l'enfant encore une fois et de leur demander... Bon, on parle d'une chicane pour un jouet. Alors, tu leur demandes, c'est qui l'a, le jouet, maintenant? Alors, les enfants, ben, vont recommencer à vouloir crier l'un contre l'autre. Et là, ben, c'est le temps de leur dire, tout à l'heure, vous avez fait certaines choses, puis je pense que ça ne l'a rien réglé. Mais là, si vous voulez recommencer, ben, vous laissez faire, puis on verra si ça va régler. Les enfants nouveaux, comme les enfants transitifs et bien souvent les enfants anciens, sont suffisamment libérés lorsqu'ils sont jeunes pour comprendre ces paroles. Et évidemment, la psychologie, la manipulation psychologique peut prendre le dessus. Les enfants peuvent recommencer. Vous pouvez partir à rire, puis vous les regardez en riant d'eux, vous les laissez faire. Et c'est pas long que les enfants vont arrêter parce qu'il se passe quelque chose qui est inintelligent et ils vont le vibrer. Alors, on les laisse toujours libres. Et le fait d'approcher, c'est de la semi-intervention. Ça fait encore partie du processus de non-intervention, c'est-à-dire qu'on intervient d'une façon sans que l'enfant s'en rende compte. Sans que l'enfant s'en rende compte, ça veut dire que même si on jase avec l'enfant, vu qu'on n'interdit pas à l'enfant, vu qu'on ne paramètre pas immédiatement dans un cadre plus restreint à l'enfant, l'enfant n'a pas l'impression qu'on s'est mêlé de ses affaires. Par contre, c'est un peu comme si il avait un livre où il pouvait aller prendre des références. C'est le pédagogue qui passe à côté. Si les enfants se blessent, c'est pas plus grave que ça. Souvent, l'humain est convaincu, comme par exemple, l'enfant ne doit pas se casser une jambe, l'enfant ne doit pas se couper quelque chose. Ben, il se trouve que les enfants qui souvent sont blessés et qui vont passer une partie de leur jeunesse à l'hôpital, c'est des enfants qui apprennent énormément sur la vie. C'est des enfants qui... j'ai travaillé longtemps à Sainte-Justine. D'ailleurs, ce que je voulais arriver à faire, c'est de faire en sorte que l'expérience hospitalière pour l'enfant soit quelque chose d'extrêmement positif dans sa vie. Ce qui, encore une fois, n'est pas le cas, parce que souvent, les parents, lorsqu'ils vont au chevet de leurs enfants, vont là pour les plaindre, pour se plaindre, ou enfin, on n'ose pas trop parler de la blessure. Bon, un enfant qui perd une jambe, on ne veut pas trop en parler. Ben, ce serait le temps de commencer à en parler. Il ne faudrait pas lui cristalliser que sa jambe, il l'a encore. La journée, il va découvrir qu'il n'y en a plus. Ça peut être un traumatisme. Il faudrait peut-être préciser certains contextes. S'il y a deux enfants qui sont en train de se battre avec du couteau. Ces enfants-là, c'est des enfants qui n'ont pas été éduqués convenablement dans leur enfance. Alors, évidemment, on parle d'enfants, disons, de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans d'aujourd'hui, et à un moment donné, ils viennent pour se battre. Là, évidemment, ces enfants-là n'ont rien pour comprendre l'absurdité de ce qu'ils font, et ce n'est pas en passant à côté d'eux autres, tu risques de recevoir un couteau perdu. Bon. Alors, ce qui fait que dans ce cas-là, on passe à la phase d'intervention, qui doit être une intervention qui permettra toujours à l'enfant d'intelligencer le pourquoi nous intervenons. Est-ce que l'enfant sait, dans le cadre actuel de la pédagogie, pourquoi l'éducateur est là? Est-ce que l'enfant sait intelligemment pourquoi l'éducateur intervient? Ben jamais. Les policiers vont arriver, là, hey, les jeunes niaiseux, là, puis on confisque ceci, puis là, on les accote, puis on les fouille. Oui, mais pourquoi le policier intervient? Parce que la société n'aime pas ça que des jeunes s'abattent au couteau. Il y a bien des policiers qui vont intervenir parce qu'ils n'aiment pas ça voir des jeunes se faire couper le ventre au couteau. Mais ils ne leur diront pas. Certains vont essayer de leur dire. Mais tout le cadre, il y en a un policier qui le fait. Après ça, les parents viennent donner, tu sais, bon, viennent gueuler. Et tout le système est tellement déstructuré qu'en fin de compte, l'enfant ne sait jamais pourquoi on est intervenu. Alors, ce qui va arriver, c'est que les jeunes qui sont, à un moment donné, délinquants, ben, font leur combat dans le noir, la nuit, dans un champ ou dans une ruelle, là où on ne les voit pas. C'est la preuve que tout à l'heure, ce que je t'expliquais, c'est que si les pédagogues sont là, les enfants sont bien sages. Quand les pédagogues sont plus là, les enfants commencent à faire leur connerie. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris que ça ne se faisait pas parce qu'il y avait punition, mais si personne ne nous voit, bien, ça se fait, parce qu'il n'y a plus de punition. Si l'enfant comprend l'intelligence, il ne le fera pas quand même. Au niveau des enfants, disons, d'aujourd'hui, les enfants qui sont relativement avancés dans leur, disons, déstructuration au niveau de l'intelligence, l'enfant qui finit par être d'une conscience collective, bien, évidemment, deux enfants qui se battent avec des couteaux, ça fait partie de la phase d'intervention immédiate. Et quel genre de phase d'intervention immédiate? Bien, il y a la phase, évidemment, d'apprendre à se battre. C'est une autre chose avec qu'on n'enseigne pas à l'enfant, c'est on ne lui enseigne jamais comment survivre. Tout à l'heure, je vous parlais du sang, des accidents, des blessures. L'enfant devrait apprendre des premiers soins en bas âge. L'enfant devrait apprendre à se battre en bas âge. L'enfant devrait apprendre à lutter contre la mort en bas âge. Mais évidemment, pour ça, qu'il connaisse la mort. Ce qui fait que l'enfant va toujours comprendre l'intelligence de ce que la société lui amène. La société n'est pas pourrie. La société, elle a été structurée par des humains suffisamment marginaux, suffisamment intelligents, qui, à un moment donné, ont mis des paramètres parce qu'il y avait suffisamment d'intelligence dans la masse. Et on a mis des paramètres pour permettre aux humains, même s'ils ne comprenaient pas, d'arriver au moins à vivre. C'est intéressant. Sauf que dans l'éducation, on n'éduque jamais l'enfant ni l'adulte du pourquoi de la structure. Bon, alors c'est sûr que les enfants qui se battent à coups de couteau, il y a moyen de travailler avec eux. J'ai travaillé avec des enfants qui étaient des délinquants, j'ai travaillé avec des enfants qui étaient délinquants, j'ai travaillé avec des enfants qui étaient décrocheurs, j'en ai vu toutes les sortes. Et je n'ai pas de problème parce que l'enfant est capable de comprendre l'intelligence des choses. Le paramètre de semi-intervention fait partie de ce que j'appelle l'accompagnement. C'est-à-dire que dans l'intervention directe, c'est-à-dire qu'on a la non-intervention où on observe, puis souvent l'enfant va faire des conneries et il sera capable d'intelligencer lui-même ses conneries, il ne les refera pas. Bon. L'enfant, par exemple, qui mange du Ajax, bon, un enfant qui commence à fouiller des armoires, ben évidemment, si on place le Ajax un peu plus haut, il ne pourra pas fouiller dans le Ajax. Alors, l'enfant devra quand même fouiller parce que son intelligence veut se développer. Alors, on met 3-4 chaudières, 3-4 boîtes en bas, pas des boîtes d'Ajax, des boîtes avec d'autres choses dessus pour pas que l'enfant finisse par penser qu'Ajax, à un moment donné, ça a été bon. Ben, quand il en verra un autre, il va penser encore des bonbons qu'il y a dedans. Alors, il faut mettre des trucs qui ne sont pas similaires à ce qu'on veut, à ce qui serait, disons, inécologique qu'il bouffe. L'enfant, on lui interdit d'aller fouiller pareil, et on sait très bien que si on lui interdit, il va aller fouiller. Mais ce dans quoi il va aller fouiller, c'est des choses qu'on sait que c'est là, et on a placé là spécialement pour qu'il fouille. Alors, ça fait donc partie encore de l'accompagnement, c'est-à-dire d'une intervention qui est à l'insu de l'enfant, où l'enfant a des interdits. L'enfant, pour un moment donné, on pourra lui dire, je t'ai demandé de ne pas aller fouiller là. Bon, puis on lui explique. Et l'enfant va quand même aller fouiller, c'est normal. Tu n'achètes pas un pot de caramel pour dire à un enfant de ne pas en prendre. C'est ridicule. Et l'enfant va aller en prendre. Bon, je ne dis pas de poser pour qu'il en prendre. Alors, on organise la structure. Lorsque l'enfant, selon l'âge de l'enfant, selon son évolution, évidemment, psychologique et mentale, on a donc la phase de libre, la phase où on le laisse carrément libre. On a la phase de semi-intervention. Par la suite, on aura la phase d'accompagnement réel. C'est-à-dire que lorsque l'enfant décide, bon, ben là, moi, je m'en vais à l'école, là, puis je m'en vais dire à mon professeur que c'est un maudit ou que c'est une maudite ceci ou cela, puis je vais tirer mon livre d'en face, le moindre mec va me dire une affaire. Le professeur, souvent, c'est un professeur conventionnel, il ne pourra pas, évidemment, supporter l'enfant. Donc, ça devient inécologique que l'enfant le fasse parce que le cadre dans lequel il va le faire n'est pas adapté à lui. Le cadre n'est pas suffisamment puissant pour le soutenir. Alors, on ne doit pas dire à l'enfant que ça ne sait pas, que c'est impoli, qu'il va être mis dehors d'école. Parce que si on lui dit ça, l'enfant risque fortement de se dépêcher à l'école pour tirer son livre en face du professeur, de façon à être mis dehors d'école au plus maudit. Bon. Alors donc, il faut faire attention à ce qu'on va dire à l'enfant. Là, ça fait partie de la phase d'accompagnement qui fait partie de la phase d'intervention. L'accompagnement, c'est qu'on doit, et ça, il faut le pratiquer souvent avec les enfants, être capable de dialoguer avec l'enfant. On devrait lui demander des conseils pour nous. De cette façon-là, il va accepter des conseils pour lui. Même si les conseils qu'il nous donne, on ne les applique pas, mais souvent, on va se rendre compte, selon l'âge de l'enfant, qu'il n'est pas... Oui, c'est même intéressant. Mais quand même, on doit donc travailler sur une forme de dialogue. Et ceux qui ont des enfants déjà suffisamment âgés, ça ne change rien. Il faut les apprivoiser, ça prend plus de temps, mais ça se fait. Donc, la phase d'accompagnement, on va demander à l'élève pourquoi il veut faire ce qu'il veut faire. L'enfant va répondre, si on a eu souvent des contacts avec, ben il va nous expliquer pourquoi. Et qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'on va dire à l'enfant, oh, « Mais c'est stupide ce que tu veux faire. » Il n'y a rien de stupide sur la planète, rien de stupide. Il y a des êtres humains qui sont ignorants et des êtres humains qui comprennent. L'ignorant traite de stupide les choses qu'il n'arrive pas à expliquer. C'est-à-dire que si l'ignorant a été programmé que telle chose ne se faisait pas, alors il va dire que telle chose est stupide. S'il en comprend l'intelligence, alors il pourra expliquer à l'enfant l'intelligence de ne pas faire ceci ou de faire cela. Alors, on peut, par exemple, expliquer à l'enfant, « Ton professeur, il ne t'aime pas. » L'enfant peut répondre, « Oui, je le sais qu'il ne m'aime pas. C'est évident qu'il ne m'aime pas. » Alors, moi, je peux lui dire à l'enfant, « Sais-tu qu'il y a une des choses que le professeur aimerait bien? » L'enfant peut demander quoi? Ben, c'est que tu t'espèces dehors de l'école. L'enfant va répondre, « Moi, avec, j'aimerais ça. » Oui. Sauf que qu'est-ce qui te plairait le plus? L'enfant avait une phase psychologico-émotive parce qu'il s'en va faire quelque chose pour se venger. Donc, on peut lui parler d'une façon émotive, psychologique. Si l'enfant passe au niveau du plan logique, mental, il faudra qu'on passe, nous, avec lui. Alors, on va dire à l'enfant, qu'est-ce que tu aimerais mieux? Que le prof va te venger du prof ou bien non, que le prof soit content? Le prof soit heureux que tu sois plus là, par exemple. Que le prof rise de toi dans le dos. L'enfant qui est dans une phase psychologico-émotive va répondre, ah ben non, j'aime bien moi qui souffre, puis je veux me venger. Bon, ben là, je peux lui expliquer. Si tu tires ton livre en plein visage, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va être défoulé. Ouais, mais le prof, il va te mettre dehors d'école. C'est pas grave. Oui, mais après ça, il va passer l'année à rire, lui. Est-ce que c'est ça que tu veux? Bon, il suffit d'aller chercher une raison. Parce qu'on va dire à l'enfant, faut pas se venger. Pourquoi il ne faut pas se venger? Si c'est capable de lui expliquer une raison intelligente, qu'il va être capable de comprendre dans la phase psycho-émotive qu'il vit là, il n'y aura pas de problème. Mais souvent, on ne peut pas. C'est pas le temps là. Quelqu'un qui est en colère, c'est pas le temps d'aller lui dire que Dieu ne veut pas que la colère existe. Hein? Il va vous battre. Bon, alors l'enfant qui s'en va se venger, c'est pas le temps d'aller lui expliquer la beauté de la non-vengeance. Il ne comprendra pas. L'humain, on ne comprend pas ça non plus souvent. Alors, on va expliquer à l'enfant de quelle façon il devrait se venger le mieux possible. Et puis là, on est dans la phase d'accompagnement. L'enfant peut comprendre. Là, après ça, on va lui expliquer, puis on ne doit pas dire si j'étais à ta place. Non, non, lui, là. OK? Et là, l'enfant, ben, on peut peut-être donner des exemples de ce qu'on vit présentement. Moi, j'ai un boss, ou moi, j'ai quelqu'un, ou il y a mon chauffeur d'autobus, ou il y a ceci, ou il y a cela, qu'à un moment donné, bon, des choses pas du passé, c'est des choses qu'on vit. Ça marche avec l'enfant. Moi, dans mon jeune temps, quand il m'arrivait, ça marche pas, ça, avec l'enfant. Rarement que l'enfant sien non plus. Alors, on lui explique que là, va juste le voir, là, puis fait passer la journée à le regarder d'en face, ça, ouais, ça va être bien mieux. C'est sûr que le professeur va avoir de la misère à le supporter, mais c'est mieux que de supporter le dictionnaire au complet. Bon. Et là, l'enfant va revenir, puis on est complice avec. Si on est complice avec, on va être capable de l'accompagner jusqu'à sa phase mentale, où à un moment donné, il pourra comprendre l'absurdité de perdre de l'énergie, donc de passer une partie de sa vie à la perdre pour ceux qu'il n'aime pas. Là, tu peux lui expliquer... On regarde la télévision, il y a en masse de films qui nous montrent tout ça. Tu sais, on dit qu'il y a bien de violence à la télévision, c'est génial pour éduquer les enfants, si on s'en sert. Si on lui laisse aller, bien évidemment, il s'éduque tout seul, c'est réellement débile. Là, on prend un enfant, puis par exemple, on l'amène voir, on le regarde faire des films de vengeance. Des films de karaté souvent, ou des films comme Amadeus, ces choses-là. Des films de vengeance et de haine. Et là, on dit à l'enfant, regarde bien. C'est le bonhomme qui est là, là, check bien le film, dure une heure et demie, puis calculons le temps qu'il va perdre dans sa vie à haïr. Assez qu'à un moment donné, on calcule, puis on fait compte, bon, 35 minutes d'un film d'une heure et demie, on va dire, ça fait un tiers de sa vie, tu sais, mettons. Pendant un tiers de sa vie, il a mis tout son temps à s'occuper de ceux qu'il détestait. Trouve-tu ça logique? Au lieu de s'occuper de ce qu'il aimait, il prend son temps pour s'occuper de ce qu'il n'aime pas. Là, l'enfant, on commence à y amener de l'intelligence. C'est ça la phase d'accompagnement. Évidemment, il faut qu'on s'éduque nous-mêmes, parce que sinon, on n'arrive à rien faire. Parce que là, il faut qu'on le vive. Ce qu'on dit à l'enfant, il faut qu'on l'applique, sinon l'enfant va rire de nous. Et puis, à un moment donné, ben, l'enfant finit par comprendre que effectivement, tu sais, le bonhomme, là, la bonne femme, là, est à Nantes, là, ben, qu'elle s'organise avec ses maudits problèmes. Il va commencer à se prendre en main, donc il se sent dans son intelligence. Ça, c'est la phase d'accompagnement. L'intervention directe va être l'ultime, la dernière phase d'intervention en éducation, et elle doit toujours se faire lorsque l'enfant risque de mettre en péril la santé ou la vie d'un autre, ou la propre, la sienne. Évidemment, si l'enfant risque de mettre en péril toute une structure matérielle hautement importante, ça met en péril quand même certaines choses, et là, il y aura la phase d'intervention directe. Le pyromane, intervention directe. Le meurtrier, le batailleur de rue, dépendant s'il se bat avec des chaînes ou s'il se bat avec une gomme ballon ou encore une réglisse, pas trop pire, dépendant de ce qu'il va faire. D'accord? Prenons l'exemple pour éduquer l'enfant. Au niveau de la phase d'intervention directe va toujours être faite et elle devrait toujours être faite de façon à ce que l'enfant puisse intelligencer pourquoi il y a une intervention de l'éducateur. Un enfant, par exemple, qui met des papiers mouillés dans son crayon puis qui tire sur le tableau ou qui tire ses voisins, bien, à un moment donné, le professeur, il va s'acheter un fusil à eau. Puis quand il passe à côté de l'enfant, bien, il a hanté 3-4 shots dans les oreilles. Premièrement, il va devenir un ennemi de l'enfant. Parce qu'il n'y a pas d'adulte qui agisse comme ça, donc l'enfant va se rendre compte que celui-là, il est vivant. Deuxièmement, non, ça devient extrêmement intéressant. Deuxièmement, l'enfant va finir par plus aimer ça. Il n'haïra pas le prof. Il va haïr l'événement. Alors, à un moment donné, il va vouloir que le prof arrête. Il va vouloir se rapprocher du professeur. Puis l'enfant va finir par comprendre. Chaque fois que l'enfant tire du papier, le prof, il passe à un moment donné, pas immédiatement. À un moment donné, l'enfant va dire, « Pourquoi tu sais toujours ça? Un qu'à moi! » Ben, le prof, il dit, ben, je pensais que tu jouais à la guerre. Il jase avec. Il dit simplement que j'ai trouvé ton idée géniale. Moi, tirer des papiers. Quand les jeunes t'en entendent pas, tu leur tires ça. Est-ce que ces trois formes d'intervention-là peuvent s'adapter aussi, aux enfants anciens qu'on appelle? Ce que j'explique au niveau d'éducation présentement s'adresse, c'est vital pour l'enfant nouveau. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant ancien et l'enfant transitif. D'accord? L'adulte ne doit pas faire en sorte, hein, je répète, l'éducateur, éduquer ne veut pas dire faire en sorte que l'enfant pense comme l'éducateur. Par contre, on doit souvent s'arranger pour vivre comme l'enfant. La phase de laisser libre où on observe ce qui se passe. On vit en campagne, l'enfant s'en va se promener dans la forêt, l'enfant a 6 ans, il commence à explorer. Ben, évidemment, c'est important que l'éducateur sache où ce que l'enfant est. L'éducateur, est-ce qu'il doit l'interdire d'aller là, non. Par contre, les adultes devraient finir par trouver du temps. Et la société n'est pas encore faite pour cela, mais ça revient à nous de la changer à un moment donné. Hein. Il suffit qu'on parle un peu plus de l'enfant nouveau, d'éducation intelligente, bon, on finit par changer des choses. On a plus de temps. Et on devrait pouvoir suivre l'enfant et le laisser libre. L'enfant ne doit même pas se rendre compte qu'on l'observe. L'enfant approche d'un lac, on le laisse là. L'enfant tombe dans le lac, c'est pas nager. On s'approche, puis on attend. Il faut que l'enfant expérimente. Puis à un moment donné, quand c'est suffisant, l'expérimentation, ben on sort l'enfant, puis on l'engueule pas. Il a tout compris. Ben c'est vrai, souvent, là, on les engueule. Tu m'as fait peur, maudit niaiseux, si tu savais comment. Tabarouette. T'sais, vous m'avez sauvé pour pas souffrir. C'est ça qui arrive. T'sais, c'est ça qui arrive. Ah non, non, non, on t'a sauvé parce que l'intelligence, est-ce que tu restes en vie? Ça, c'est correct. Mais on t'a sauvé parce qu'on a un peu, t'sais, par exemple, l'enfant est perdu, puis quand on le retrouve, ben si on le retrouve après 2-3 semaines, les parents sont tellement affaiblis psychologiquement qu'ils sont plus capables de l'engueuler. Mais si on le retrouve après 4-5 heures, là, il y a des chances que l'enfant mange des bêtises. Alors, encore là, oui, mais tu sais, tu m'inquiètes, tu sais ce que ça fait quand tu n'arrives pas à l'arbre? Tout en fonction d'éducateur. Fait que là, l'enfant, à un moment donné, l'éducateur, il est loin maudit. Parce que, pourquoi faut que je rentre à l'heure? Parce qu'elle, elle souffre. Pourquoi faut pas que je sois en retard? Parce qu'elle, elle souffre. Pourquoi que si? Parce que l'autre, elle crie. Pourquoi faut que je fasse cela? Parce qu'elle est malheureuse. Puis moi, là-dedans, c'est l'éducation. Alors, faut que l'enfant comprenne l'intelligence des choses. Alors, on le laisse libre. L'enfant s'approche d'un lac. On peut, par exemple, lancer... Je parle toujours de la forêt. Je donne des exemples. Ça vaut d'ajuster. L'enfant s'approche, ça peut être dangereux. Alors, on prend des roches et on les lance dans le bois. Ça fait du bruit. Ça, c'est la phase de semi-intervention. L'enfant ne sait pas ce qui se passe, mais il entend des bruits. Il y a des chances de changer de chemin pour aller voir ce qui se passe. Ça ne fonctionne pas, l'enfant se rapproche encore, alors on passe peut-être dans la phase d'accompagnement. On passe dans la... On est comme dans la forêt, puis on le voit. « Hey, allô, machin! » Il se retourne, il dit « Allô! » Là, on peut lui dire « Attention, les lacs, c'est dangereux. Les poissons sont faits pour vivre dans l'eau, les oiseaux dans les airs, puis les humains, c'est à terre, sauf s'ils apprennent à nager. » Et puis, on continue son chemin. On n'intervient pas. Ça, c'est la phase d'accompagnement. Là, l'enfant, on lui laisse la possibilité de réfléchir. Donc, on en fait un être intelligent, pas un être savant. À un moment donné, l'enfant tombe dans l'eau pareil, on passe à la phase d'intervention immédiate. Et quand on le sort de l'eau, ben, faut trouver ça drôle. C'est drôle. L'enfant tousse, l'enfant fait ceci, et évidemment, n'importe quel pédagogue a appris à l'enfant les premiers soins. Donc, évidemment, n'importe quel pédagogue peut réanimer un arrêt cardio-respiratoire, peut empêcher une hémorragie, peut immobiliser une fracture, peut se aussi appris ces choses-là, parce que sinon, comment veux-tu vivre dans une vie où ton corps est toujours mis en danger par un accident d'auto, par la grêle, par l'hiver, par l'été, par les périodes des trucs de chasse, par les accidents à bêtes. À un moment donné, je travaillais pour Urgence Santé pendant 4 ans, 5 ans à Montréal. Alors, je vais dans une maison, puis il y a une dame qui montait sur sa chaise, qui montait sur sa table pour ôter une lumière à brûler. Elle a embarqué sur le bord de la table, et la table, elle est tombée sur elle, puis elle s'est faite une fracture ouverte du tibia et du péroné. Ben, c'est ça. C'est des accidents, il n'y en a pas, faut pas y penser. C'est pas à cause qu'on y pense que ça les attire. Imaginez-vous, si ça serait vrai, tous ceux qui pensent gagner à la loterie gagneraient. Hein? Alors, c'est faux. C'est quand on pense au mauvais sort, ça l'amène. Puis quand on pense au bon sort, ça ne l'amène pas. Bon, ben c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de superstitions là-dedans. Alors l'enfant, on le sort. Et puis évidemment, on a su intervenir au bon moment. Donc l'enfant, il n'est pas en difficulté respiratoire. On peut tousser un peu, c'est bon qu'il apprenne. Et puis là, ben on jase avec l'enfant. Puis on lui répète, les oiseaux, ça vole dans les airs. Les poissons, c'est fait pour vivre dans l'eau. Puis les enfants comme toi et comme moi, ben c'est fait pour vivre sur terre, sauf quand ça apprend à nager. C'est quoi nager? Ça t'intéresserait-tu? Oui. Bon, mais là, si tu veux apprendre à nager, il faut pas que tu deviennes un poisson. Pas tout de suite. L'enfant, il va faire attention à l'eau. Là, on peut lui expliquer, regarde ça, c'est mouillé, c'est glissant. Essaye si tu ne me crées pas. Bon, l'enfant, il va te croire. Parce que tu lui permets d'expérimenter. Tu lui dis pas, fais pas ça, ça fait ça. Il faut faire un jour qu'il y voir. Il l'expérimenter d'avance. Bon, évidemment, ça se peut fort bien aussi. Alors, ce qui fait que là, on a toutes nos quatre phases d'intervention. Ça demande de l'énergie de la part de l'adulte, mais moins l'adulte est émotif dans son système pédagogique, moins ça lui demande de l'énergie. Autrement dit, t'es pas inquiet que l'enfant se noie, t'es pas inquiet que l'enfant se blesse, t'es pas inquiet que l'enfant... Mais non! T'sais, à un moment donné, moi, j'ai ma fille qui s'est déboîté un genou en faisant du ski. Ben, elle a pas eu des bêtises. J'ai juste dit que c'était... Elle m'a expliqué comment ça se fait. Elle faisait du ski. À un moment donné, ben, ses chums lui ont dit de, non, un autre descente, elle était fatiguée. Quand on est fatigué, on fait pas de descente de ski, vous savez, bon. Alors, elle a décidé de le faire pareil, elle a descendu, puis elle s'est cassée une jambe. Là, je lui ai dit que c'était une décision émotive. Oui, ça, elle a tout compris. Puis on a parlé, on a intelligencé l'événement. Puis ces enfants sont pas fous, c'est évident. Peut-être qu'une autre fois, elle va encore descendre une pente de ski fatiguée. Elle va peut-être encore se casser la gueule. Au pire, elle va se tuer. Mais c'est sa vie. Si on est toujours là pour leur empêcher de tout faire, à un moment donné, il n'aime plus vivre. Il n'y a plus de piquant dans la vie. Peut-être que tu ne vas plus camper, tu grimpes plus, tu ne vas plus, tu fais plus rien. Ça devient mort. Alors donc, qu'est-ce qu'elle fait aux interventions? Ce que je peux voir, c'est de la manière que tu parles, il faut quasiment considérer un enfant comme un adulte. Ben justement. À quel âge l'enfant est-il un adulte? Dans certaines tribus, comme on avait ici même au niveau des tribus amérindiennes, on a encore ça au niveau du pays, de la planète, l'enfant devient adulte lorsqu'il réussit à supporter l'initiation. Vers la puberté, par exemple, on recouvre un enfant d'un stoff blanc et on le libère dans la forêt ou dans la jungle, et puis il doit revenir quand il ne restera plus du tout de taches blanches sur lui. Le blanc est indélébile, c'est-à-dire que le blanc ne part pas à l'eau. Et réellement, c'est lorsque la peau va être suffisamment usée, les cellules tombent, n'est-ce pas? C'est pour ça que le bronzage s'en va. Et à un moment donné, l'enfant est blanc. Alors, lorsque l'enfant revient vivant, il peut faire partie des adultes. S'il ne revient pas, bien évidemment, il ne fait ni partie des enfants, ni partie des adultes. Bon, il meurt. Les Amérindiens avaient ce genre de phénomène, la totémisation et évidemment l'initiation. Dans nos sociétés modernes, à 18 ans, tu es un adulte, ou à 21 ans. Bon. Ce qui fait qu'à 17 ans et 364 jours, tu peux faire des conneries, tes parents payent pour, puis le lendemain matin, c'est toi qui payes pour. Bon. Alors, quand est-ce qu'un enfant devient-il un adulte? Et autre chose. Tout notre système de pédagogie est fait pour que l'enfant puisse évoluer dans son monde. Et l'adulte dans son monde. C'est intéressant d'avoir des chaises adaptées à l'enfant. C'est pas nécessaire qu'il grimpe toujours sur des chaises pour s'asseoir. Ça, c'est parfait. Il doit avoir une table à la hauteur de son travail. C'est normal parce que là, il marche dans le monde de l'adulte. Quand l'adulte vient s'asseoir sur une chaise, il ne monte pas sur un tabouret puis c'est un bottin téléphonique. Mais l'enfant non plus. Sauf que le monde expérientiel de l'enfant doit être le monde expérientiel de l'adulte. L'enfant doit apprendre à devenir un adulte au plus vite, pas au plus tard. L'enfant est un adulte où l'enfant doit être traité comme un adulte et l'adulte doit être traité comme un enfant. Donc, on finit par travailler entre humains, plus entre adultes et entre enfants. Mais à un moment donné, on joue avec l'enfant. Et à un moment donné, on lui demande un conseil. L'enfant, ça ne tente pas d'en donner. C'est comme les adultes. L'enfant, ça lui tente de partager. Il partage. Et puis, on fonctionne avec l'adulte, enfant. Et nous, on est un enfant adulte. De cette façon-là, on arrive à bien s'entendre. C'est bien intéressant. L'école même libre est-il un lieu assez épanouissant pour un enfant? L'école de la vie n'est-il pas le seul lieu valable? Bon, effectivement, l'école libre n'est pas nécessairement une école intelligente. Elle peut l'être, elle peut ne pas l'être. Donc, ce n'est pas parce qu'on y met un mot à un moment donné que ça change des choses. L'école de la vie n'est-elle pas le seul lieu valable? Oui. Maintenant, il faut bien comprendre que la vie se vit autant dans les écoles, dans les maisons, dans les prisons, que dans la société, que dans la nature. Alors donc, on peut avoir une école de la vie dans une école. Ça va de soi. La famille est une école de la vie. Le système de professeur-élève est une école de la vie. Alors donc, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'on doit éduquer l'enfant. On doit le laisser dans la nature et puis tout oublier. L'enfant doit apprendre à parler. L'enfant doit apprendre à compter. Parce que le phénomène de la mathématique lui permet de développer son système neuronique au niveau du cortex cérébral, donc ça lui permet à un moment donné d'avoir une conscience plus étendue, d'avoir un mental plus fort et plus vite. Donc, normalement, l'ordinateur est un jouet assez intéressant pour l'enfant nouveau. L'enfant qui, par exemple, est laissé tout à fait librement dans la nature, un enfant qu'on n'envoie absolument jamais à l'école, va passer à côté de l'un des plus grands systèmes d'éducation par rapport à la vie, parce que la société est la réplique de nos écoles. Donc, l'école, la réplique de la société. Or, c'est donc intéressant que l'enfant aille à l'école. Maintenant, il faut que l'enfant apprenne à parler, il faut que l'enfant apprenne à écrire, il faut que l'enfant apprenne à lire, il faut que l'enfant apprenne à compter. C'est les seules structures de base. L'enfant doit apprendre dans l'immédiat terme. Toute l'éducation de l'enfant doit être faite au niveau du long terme. C'est-à-dire que l'enfant doit apprendre des choses qui vont lui servir toute sa vie. C'est ça, éduquer au niveau du long terme. On ne doit jamais instruire un enfant de choses qui ne sont pas utiles pour lui présentement, mais qui le seront dans 15 ou 20 ans. Jamais. C'est ce qu'on fait pourtant dans nos écoles. Apprendre à parler, oui. Par la suite, apprendre à ajuster sa parole. Parce qu'en ajustant sa parole, il va apprendre à ajuster sa pensée. Il doit apprendre à compter. À compter parce que ça développe le phénomène mental et ça va lui permettre aussi de régir un peu sa vie. L'enfant doit apprendre à jouer, mais il doit savoir que le jeu est intelligent. Donc, pour comprendre que le jeu est intelligent, il doit voir les adultes jouer. Sinon, il comprendra que le jeu, c'est quelque chose qu'on adresse aux petits et que lorsqu'on devient grand, on ne fait plus. L'enfant doit donc aller dans un système scolaire. L'enfant doit apprendre ce genre de choses et le meilleur pédagogue dans le système actuel devra rester le parent. Monoparental ou biparental, il devra rester le parent. Ici, au niveau du centre de l'universalité, étant donné que je travaille ici, c'est évident que je colore un peu ce qui se passe au centre. Ben, il y a des systèmes d'éducation qui sont en train d'être adaptés au niveau de l'enfant et il y a un système d'éducation qui présentement est déjà accessible à l'enfant et c'est l'ARDEME, l'entraînement de l'intelligence en mouvement, qui est une pédagogie instantanée de l'adaptation. Donc, ce cours s'adresse aussi aux adultes, mais disons qu'on parle de l'enfant aujourd'hui, alors on a un cours qui s'adresse aux enfants. Il y aura de toute façon prochainement un autre cours qui va commencer, et où l'enfant est obligé d'apprendre ce que veut dire adapter. S'adapter, et s'adapter non pas après moult réflexions, s'adapter instantanément. J'explique souvent à ceux qui donnent les cours, d'ailleurs moi-même j'enseigne aux enfants, mais il y a aussi d'autres personnes qui enseignent, de toujours conserver l'idée que l'enfant vient et que l'enfant vient pour jouer. Donc, lorsqu'on a un enfant, par exemple, dans une classe, et l'enfant n'apprend rien, ce n'est pas grave. L'enfant n'est pas encore conçu pour apprendre. L'enfant est là pour vivre. Apprenant à vivre dans un cadre intelligent, il apprendra à survivre. Apprenant à survivre, il sera capable d'apprendre tout ce qu'il aura besoin lorsque, pour sa survie, il en aura besoin. Alors, lorsqu'un être humain, à un moment donné, décide de voyager, il sera capable d'apprendre une autre langue. Ce n'est pas nécessaire de le forcer à l'apprendre lorsqu'il n'en a pas encore besoin. C'est évident que si on parle de l'anglais, par exemple, et on dit à l'enfant que apprendre l'anglais plus tard, ça va lui être utile. Mais non. Présentez-lui donc des amis en anglais. Mettons les écoles mixtes immédiatement et forçons-le à un moment donné. Je vais donner un exemple peut-être banal. On aurait au niveau de l'école secondaire, toutes les filles sont anglaises, tous les gars sont français. Et vice-versa des autres écoles. Ben, c'est pas long que les gars vont apprendre l'anglais, que les filles vont apprendre le français. Voyez? Et on n'aura pas besoin de les punir, de les forcer, etc. Là, il y aura une raison intelligente dans l'immédiat terme pour apprendre une langue. Alors, il y a plusieurs choses. À un moment donné, on se dit, oui, mais s'ils n'apprennent pas ça plus tard, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils ont appris à apprendre, ils potentiellement ils savent tout. C'est frustrant pour plusieurs adultes qui ont passé leur vie à mémoriser des choses, comme les langues mortes, comme un paquet de choses qui ne servent pas, qui auraient pu, mais qui ne servent pas. L'enfant doit apprendre qu'il peut apprendre, il doit apprendre comment apprendre. Et ça, c'est la base même de l'éducation. Alors donc, l'enfant dans un cadre libre, non. Pour l'instant, c'est le pédagogue, c'est l'éducateur, c'est le parent qui surtout doit servir à ajuster l'éducation extérieure à l'éducation de l'interne au niveau de la maison. Il y a des cours ici qu'on va de plus en plus adapter au niveau de l'enfant. Maintenant, c'est évident que normalement, ce qui est le plus souhaitable, c'est que les parents fassent le cours et le donnent aux enfants. C'est évident qu'il y a certains cours que certains parents ne peuvent pas faire. C'est sûr qu'un cours comme l'ARDEME, qui est quand même un cours, une forme d'art martial nouvelle, c'est-à-dire que c'est une forme nouvelle, ce n'est pas tiré des arts martiaux de l'Antiquité. C'est un art de combat pour la paix, c'est-à-dire que l'enfant, ainsi que l'adulte, mais on parle encore de l'enfant, apprend à s'ajuster, il apprend à vivre avec la vie, il apprend, par exemple, à faire un combat. Il apprend à ne pas, dans les termes conventionnels, gagner, donc il apprend à perdre, mais il apprend aussi qu'il ne peut pas perdre, parce que lorsqu'il a fait un combat, prenons un combat avec contact, ça ressemble peut-être un peu au judo, lorsqu'à un moment donné, il fait une chute parce que l'autre, son partenaire, lui fait un mouvement, dans un combat, il réussit son mouvement, eh bien, on peut lui dire, pendant ta chute, tu étais distrait, pendant ta chute, tu étais stressé. Une fois rendu au sol, tu as paru peut-être déprimé ou tu as paru déçu. Tu as donc perdu parce que tu n'as pas réussi à gagner en faisant une chute, correct. Alors, l'élève qui fait un mouvement a autant à apprendre que l'élève qui se fait faire le mouvement. Et comme on va expliquer souvent, gagner, perdre, ça n'existe pas. Si un jour vous devenez immortel, vous aurez gagné. Mais en attendant, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, dans un événement, l'humain s'en sort efficacement qu'il a gagné, parce qu'il reste encore toute la vie. L'humain joue avec la vie. Il ne joue pas avec un autre individu. Il ne joue pas avec un arme à feu. Il ne joue pas avec un examen d'école. Il ne joue pas avec un billet de loterie. Il ne joue pas avec des quilles. Il ne joue pas avec une balle ou une rondelle. Gagner et perdre, ça n'a aucun sens. Pas du point de vue cosmique, pas du point de vue réel de l'homme. Ça a un sens du point de vue d'une conscience nombritique, du point de vue d'une conscience de compétition. Lorsqu'on éduque l'enfant à toujours être en compétition, l'enfant finit par se dire « je dois être meilleur ». Et l'enfant découvre rapidement que pour être meilleur, il y a deux solutions. M'améliorer ou discréditer les autres. Lorsqu'on a deux équipes de hockey, l'équipe qui gagne, gagne, apparemment. Est-ce qu'elle est la meilleure? Elle est meilleure que l'autre, mais est-ce qu'elle est une bonne équipe? Ça ne veut rien dire, tout est relatif. D'un an après, cette équipe qui, à un moment donné, avait perdu, gagne. Est-ce qu'elle s'est améliorée? Ou si c'est l'autre qui en a perdu? Mais elle gagne pareil. Alors finalement, la compétition ne prouve pas qu'on s'améliore, elle prouve que l'on compare. Et lorsqu'on a une éducation compétitive, comme on a encore dans nos sociétés, l'enfant apprend à comparer, il n'apprend pas à s'améliorer. On ne s'améliore pas. Par exemple, je veux être meilleur que Michel, alors je n'ai qu'à dire qu'elle, c'est un imbécile. Donc, c'est réglé. Est-ce que je me suis amélioré? Non, mais je l'ai rabaissé, donc je suis meilleur. Le système de la compétition. Et c'est le système aussi de la compétition souvent au niveau des entreprises. On discrédite une autre compagnie pour être meilleur. Au niveau des partis politiques, c'est le même phénomène. On n'améliore pas le parti, on descend à l'autre parti. Donc, automatiquement, on devient plus haut. Alors, ce qui fait que l'école de la vie, elle est partout. Et on est dans une société qui n'est pas lésinée. Évidemment, l'enfant doit apprendre le plus vite possible à faire, à jouer avec la société. Donc, il doit apprendre des choses. Il doit apprendre qu'il peut apprendre. Il doit apprendre comment apprendre. Et après, il apprendra au rythme qu'il aura besoin. On va dire, oui, mais l'enfant ne se trouvera pas d'emploi plus tard. Peut-être qu'il n'en trouvera pas. Peut-être qu'il va en créer, par exemple. Parce que s'il a su jouer avec la vie, il jouera aussi bien avec tout ce qu'il aura joué. Au niveau d'éducation, les parents, immédiatement les parents qui ont des enfants et qui ont une suffisamment bonne relation avec l'enfant, ceux qui n'en ont pas encore une suffisamment bonne devront apprendre à apprivoiser l'enfant. Ça prend un certain temps. À un moment donné, de toute façon, je vais faire un séminaire de 2 jours, un séminaire intensif sur l'éducation de l'enfant et possiblement un jour que je ferai un séminaire intensif sur l'éducation de l'adulte, séminaire que j'offrirai aux enfants. Pour l'instant, on revient donc avec ce phénomène. Au niveau d'apprentissage, le premier apprentissage chez l'enfant, c'est le cadre d'écologie. C'est-à-dire, l'enfant doit connaître, doit apprendre ce qu'est qu'un écosystème. Souvent, l'adulte ne le sait pas lui-même. L'enfant doit apprendre que toute sa réaction, que toutes les actions qu'il porte vont créer des réactions dans l'entourage, que ces réactions-là deviennent des actions pour l'entourage qui vont créer des réactions chez lui. L'enfant qui, à un moment donné, se bat avec un élève, il peut finir par être détesté de la classe. C'est la réaction à son action. L'enfant qui, à un moment donné, vole, subira les conséquences de ses actes. Il ne doit pas apprendre à ne plus faire cela pour ne pas subir la conséquence. Il doit apprendre qu'en faisant ces choses, il y a des conséquences et que dans les conséquences, il y a des conséquences écologiques, appelées traditionnellement bonnes, et des conséquences inécologiques, appelée traditionnellement mauvaise, sauf que dans l'écologie et l'inécologie, il n'y a pas de place pour la demi-mesure, tandis qu'entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, il y a la place pour toute la coloration entre les deux. C'est bon, mais c'est plus bon, c'est mauvais, mais c'est pas si mauvais que ça. Écologique ou inécologique ne laisse pas la place, il n'y a pas de demi-mesure dans la réalité. C'est ou ce n'est pas. Lorsque l'enfant apprend ces choses, il apprend évidemment qu'il a la possibilité d'agir, c'est-à-dire d'actionner, de manipuler l'extérieur. Et on sait très bien que l'enfant nouveau, l'enfant transitif, manipule l'extérieur assez rapidement. Alors, lorsque l'enfant a appris qu'il peut apprendre, qu'il a appris comment apprendre, donc qu'il a appris ce qu'était qu'un cadre écologique, on doit instruire l'enfant de ce que c'est que la manipulation. Un mot qui fait peur et qui pue au nez la majorité des instructeurs, eh bien, on doit montrer à l'enfant comment manipuler autrui. Ça fait partie de l'éducation parce que l'enfant, si on ne lui montre pas comment, il l'apprendra lui-même. Et si on lui montre comment, on pourra lui montrer à manipuler d'une façon pédagogique, écologique. Tandis que s'il l'apprend sur le tas, il risque fortement d'apprendre à manipuler d'une façon inécologique. Celui qui, à un moment donné, donne des bêtises à quelqu'un, manipule d'une façon inécologique. L'élève qui veut pousser son professeur à la dépression nerveuse, manipule d'une façon inécologique. L'élève qui devient leader d'une gang, quand on parle de gang, je ne parle pas d'un groupe, donc parlons donc d'une gang, disons, prédélinquant, manipule d'une façon inécologique. Celui qui, à un moment donné, conduit rapidement, celui qui aime faire peur avec son auto, celui qui aime faire crier ses pneus, manipule la société d'une façon inécologique. Le voleur manipule d'une façon inécologique. Et etc., etc., etc., etc., etc., etc. Donc, il doit apprendre à manipuler. Le gars veut coucher avec une fille, il peut manipuler d'une façon inécologique. Il va faire des menaces, il va lui la traiter de ceci ou de cela, d'anormal, il va lui sortir un couteau, il va carrément la violer. Il peut apprendre à manipuler d'une façon écologique. C'est-à-dire que tu peux manipuler, et si la fille accepte, le gars va être content. La fille peut manipuler avec, et s'il arrive ceci ou cela, c'est une chose. Et évidemment, l'enfant doit apprendre qu'il ne peut pas se sentir coupable, parce que de toute façon, ce qui est manipulé ne peut être manipulé au-delà de la faculté qu'ils ont d'être manipulés. C'est-à-dire que si à un moment donné, un enfant convainc, prenons encore l'exemple du petit gars qui convainc une petite fille de se déshabiller dans la classe, quand ils sont tous deux tout seuls, ben, la petite fille, elle est manipulable à ce point-là, donc l'enfant n'a pas à se sentir coupable de l'avoir manipulé jusqu'à sa limite. Évidemment, l'enfant peut, à un moment donné, les adultes rentrent, ce sont des adultes nouveaux, bof, il n'y a personne qui va s'en frustrer, et il n'y a pas un enfant bien éduqué dans son intelligence qui va penser d'une façon inécologique au corps d'une fille ou d'un gars. C'est évidemment dans l'éducation inécologique de la société moderne où, à un moment donné, on finit par penser que le corps est quelque chose de sale, surtout les parties reproductrices, alors que reproduire et mettre au monde des enfants, c'est ce qui, dans la société actuelle, est peut-être ce qu'il y a de plus beau, mais tout le processus, c'est ce qu'il y a de plus laid. Alors, à un moment donné, on finit par se poser des questions. C'est évident que ça crée des adultes et ça crée des enfants qui auront des problèmes régulièrement parce que tout ce qui est tabou chez l'enfant et chez l'enfant nouveau encore plus est quelque chose qui doit être dépassé. La loi, elle est là pour être dépassée. Si l'enfant apprend à manipuler d'une façon écologique, il saura que la loi, elle est là pour être ajustée. Lorsque l'homme grandit, la loi doit grandir avec. Tandis que présentement, lorsque l'homme grandit, il doit grandir malgré la loi. Alors donc, on doit instruire l'enfant, on doit expliquer à l'enfant. Et le cadre actuel, c'est la vie, oui. On doit donc laisser vivre des expériences, tout en faisant attention aux quatre paramètres que j'ai énuméré lors de la première partie. Et évidemment, on doit expliquer à l'enfant ce qu'est qu'un écosystème, un cadre écologique. Et par la suite, on doit l'instruire de quelle façon on doit manipuler. Il y a une personne, à un moment donné, qui est aveugle et elle a peur de traverser la rue. Et puis l'enfant se rend compte de l'inécologie du phénomène. Il aimerait pouvoir faire quelque chose parce que, selon lui, c'est intelligent d'avoir des yeux de voir. Alors, on lui explique que la nature fait des choses et que ces choses ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont ce qu'elles sont. Alors, l'enfant peut dire oui, mais il doit y avoir un moyen de faire quelque chose. Eh bien, on peut lui dire oui. Une des choses qui est intéressante à faire, parce que ça économise de l'énergie dans nos sociétés, et l'enfant qui apprend ce qu'est un cadre écologique, apprend à sauver l'énergie. Pas son énergie, mais l'énergie. Et tout doit être bâti dans l'éducation primaire de l'enfant, de cette façon, l'éducation élémentaire. C'est-à-dire que si la personne qui est aveugle se fait frapper, ben, ça fait une personne de moins sur la planète. C'est une personne qui a de l'utilité, c'est une personne qui apporte des choses intelligentes, c'est une personne qui énergétiquement est rentable. Le fait de la frapper, ça crée un stress, ça crée un remous, ça crée des dépenses au niveau social, ça crée des dépenses au niveau énergétique, pas seulement au niveau monétaire. Donc, ça devient écologique de faire en sorte que les humains ne se fassent pas frapper et que les humains ne se fassent pas tuer. C'est écologique. Pourquoi? Parce que la nature doit prendre 9 mois de gestation pour bâtir un humain. Cette personne-là, elle a peut-être 40 ans. La nature doit donc prendre 40 ans et 9 mois pour arriver à créer un adulte de cette envergure-là. Ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Donc, il devient écologiquement rentable de sauver l'individu. Alors, si l'enfant comprend ce phénomène, à un moment donné, il va vouloir aller aider l'aveugle à traverser la rue, ou il voudra faire des choses, ou il voudra changer les choses, ou il engueulera les chauffeurs qui ne veulent pas arrêter, ou il fera quelque chose, il s'impliquera selon ce qu'il a à s'impliquer. L'enfant va apprendre à s'ajuster par la manipulation. Alors, à un moment donné, il va peut-être s'approcher de l'aveugle et il va dire à la personne, « Est-ce que je peux vous aider? » L'aveugle a peut-être été échaudé. Il y a plusieurs enfants qui l'ont toujours fait traverser des places où il ne voulait pas aller. Alors, elle peut lui répondre bêtement « Non ». L'enfant qui a su manipuler sait que ça reste intelligent de l'aider. Alors, il manipulera l'aveugle pour apprivoiser l'aveugle, pour l'acheter. De façon à ce que l'enfant puisse l'amener quelque part et l'enfant lui dira « Il y a des enfants qui ne sont pas corrects, il y en a qui sont corrects, écoute-les et apprends à les reconnaître par leur voix. » Mais il aura manipulé l'adulte d'une façon convenable. La manipulation, elle est essentielle au niveau de l'éducation parce que l'adulte doit manipuler l'enfant pour l'éduquer. Et évidemment, l'enfant manipule l'adulte pour arriver à se sortir des griffes de l'adulte. Donc, on doit instruire, on doit montrer à l'enfant comment manipuler. Et c'est la même chose pour soi. Je veux de l'avancement, je vais voir mon patron, je le manipule et j'ai l'avancement. C'est correct. Lorsque l'enfant voudra se trouver un emploi, diplôme ou pas, il sera capable de se vendre puis il aura un emploi. Lorsque l'enfant aura n'importe quel problème dans la vie, étant donné qu'il a reçu déjà à être un être humain a la faculté de créer, créer commence par manipuler, transformer les choses. Manipuler la matière veut dire prendre un arbre et en faire des planches. Manipuler la matière veut dire prendre de la roche, la briser, la mettre en poudre, la chauffer et en faire du ciment en lui remettant de l'eau. Manipuler la matière. Manipuler, c'est le début de la création. Manipuler les couleurs, c'est faire de l'art. Manipuler l'humain, c'est aussi faire de l'art. Créer dans la société, c'est manipuler l'humain. La politique manipule, la médecine manipule, les syndicats manipulent, les patrons manipulent, les employés manipulent. Tout le monde manipule. Alors, faut pas refuser les manipulations. Sauf qu'étant donné que tout le monde a appris à manipuler d'une façon souvent inconséquentielle, tout le monde manipule à partir du point de vue émotif, la manipulation résulte souvent par de l'inécologie. Ce qui fait que l'humain, souvent, trouve que ça a lui plus au nez le terme manipulation. Mais manipuler intelligemment, c'est construire. Manipuler inintelligemment, c'est détruire. On manipule de toute façon. Alors, évidemment, l'école de la vie, c'est aussi d'instruire l'enfant que la vie, elle est ce qu'elle est, et que quand une pomme est prête à tomber, elle tombe, même si émotivement, on ne veut pas. Et qu'elle ne tombe pas, même si émotivement, on veut. C'est la réalité des choses. Comment l'adulte va-t-il apprendre à s'adapter face à toutes ces nouvelles réalités? L'adulte va apprendre par l'expérience, c'est-à-dire que normalement, l'adulte va souffrir énormément de cette adaptation. L'adulte, évidemment, qui chemine et qui se prend en main, qui veut se conscientiser, qui veut avoir de nouveaux horizons. L'adulte qui accepte les choses neuves. L'adulte qui ne part pas avec un prérequis que tout ce qu'il sait est cela. L'adulte qui n'est pas convaincu que tous les livres traditionnels sont la vérité pure. C'est peut-être la vérité pure, mais ce n'est pas nécessairement la réalité. L'adulte qui est libéré. L'adulte qui n'a pas de contraintes. L'adulte qui peut savoir, par exemple, qu'il n'est pas capable de faire certaines choses, mais qui en voit quand même l'absurdité de ne pas être capable de les faire. L'adulte, par exemple, qui n'est pas capable de manger avec ses mains son steak, peut-être peut dire, ben, c'est con de ne pas être capable. Et il n'est pas capable pareil, ce n'est pas grave. L'adulte qui n'est pas capable d'aller se baigner puis d'uriner dans la piscine. Parce qu'il n'est pas capable, il a beau se forcer, ça ne sort pas. Ben, ou dans l'océan. On va dire dans la piscine, c'est inécologique. Parfait, dans l'océan, c'est moins pire. C'est biodégradable, en tout cas, moi aussi, en plus, qui coûte du plastique. Alors, l'adulte qui est dans l'océan, qui se baigne et qui n'arrive pas à uriner, ben, il peut se dire qu'il n'est pas capable, mais il doit prendre conscience que c'est stupide de ne pas être capable. Il a tellement été programmé à un moment donné qu'il n'arrive plus à rien faire. Bon. Alors, il y a toute une panoplie de choses que l'adulte peut, si l'adulte intelligencie ce qu'il vit, l'adulte n'est pas con, mais souvent ce qu'il fait est con. Lui n'est pas con. Alors, si l'adulte l'intelligencie, bien évidemment, il fait ce que j'appelle, il est transitif vers ce que j'appelle aussi l'homme nouveau, et l'adulte souffrira moins. L'adulte qui, par contre, décide que l'enfant va être ce qu'il doit être, hein, l'adulte qui est aussi cave que les psychiatres dernièrement qui ont écrit l'article que les enfants incassables, la psychiatrie ne comprend pas les enfants incassables parce que pour eux, éduquer, c'est casser un enfant. Et lorsque l'enfant refuse l'éducation, on l'appelle incassable. Ces adultes-là mériteraient de manger des bons coups de oui. D'ailleurs, les enfants nouveaux vont s'occuper de les éliminer à un moment donné, ou les transformer, il va se passer quelque chose. Et ces adultes qui ne peuvent pas supporter le neuf, qui veulent absolument toujours éduquer les jeunes comme eux ont été éduqués, refusant carrément l'évolution, hein, les choses changent, la vie elle est vivante. Alors ces adultes-là vont souffrir le martyr, ils vont souffrir un apocalypse avant même qu'on leur tire des missiles dans le derrière. Alors, c'est extrêmement souffrant, c'est extrêmement dommage, mais veut pas l'évolution, ce n'est pas l'homme qui va l'empêcher d'arriver. Présentement, elle est transitoire vers quelque chose de génial, sauf que là, dans l'adolescence de l'humanité, ça peut évidemment donner des choses qui sont peut-être un peu plus problématiques. Il faudra que l'adulte se change, sinon l'adulte sera démoli. L'enfant est démoli, mais à un moment donné, l'enfant ne sera plus démoli, alors il changera l'adulte ou démolira l'adulte. Évidemment, ceux qui veulent vivre ensemble vivront ensemble. L'enfant est capable d'aimer, mais l'enfant va aimer, il promène avec ses parents, puis l'enfant décide de s'en aller par là, les parents veulent aller par là, mais l'enfant, ils aiment les parents, mais ils s'en vont par là. Bon, les parents, s'ils sont anciens, ils aiment l'enfant, puis ils veulent que l'enfant reste là. Bien, l'enfant qui aime les parents, qui aime d'une façon nouvelle, va s'en aller là par là. Puis si les parents veulent courir après, puis les parents l'engueulent, les parents lui disent ceci, les parents lui disent cela, l'enfant, ils ne retireront plus rien de lui. L'enfant va continuer à les aimer, mais ça n'empêchera pas que l'enfant ne vivra plus avec eux autres. Dernièrement, on a une personne justement qui a sacré son camp. Elle était extrêmement jeune. Elle est allée vivre en Floride un bout de temps. Elle est partie, je crois, vers 14 ans. Quelque chose comme ça. Elle a fait une fugue. Ses parents ont lancé tout ce qu'il y avait comme police à ses trousses et ne l'ont pas retrouvée. Dernièrement, cette fille, elle appelle son père, elle appelle la famille ici à Montréal et puis elle leur explique qu'elle est en Floride. Alors son père lui demande si elle est heureuse. Elle dit oui. Le père lui dit « Pourquoi tu ne m'as pas appelé avant? » Elle répond « Si je t'aurais appelé avant, t'aurais de fait de me retrouver. » Ce qui fait que ça ne valait pas la peine de s'appeler avant. Elle les aimait toujours. Mais elle dit non, je t'aurais appelé, t'aurais fait de remords, t'aurais tout fait pour me repérer, t'aurais ça. Et puis une chose avec, je suis enceinte. Bon. Alors là, le père, il lui dit, est-ce que tu vas revenir nous voir? Elle dit, ça, je vais y penser. Pourquoi? Parce que si elle revient, tout le monde l'a accepté. Bon, etc. Dernièrement, elle est revenue en fin de compte en visite. Et puis, elle va peut-être rester parce que ses parents acceptent qu'elle soit ce qu'elle est. C'est tout à fait ça, un enfant nouveau. Et évidemment, on aurait tout fait pour aller la rechercher. On l'aurait carrément déphasée. Elle aurait pu virer dans la prostitution. Elle aurait pu faire ceci. Elle aurait pu faire cela. Mais étant donné qu'elle a fait une fugue juste assez de bonheur, elle était juste suffisamment elle pour ne pas tomber dans les choses inécologiques et imbéciles. Tandis que si on l'aurait continuellement paramétré, ce qu'on va faire souvent, il y a des enfants qui à 9 ans devraient faire des fugues parce que le cadre familial n'est pas pour eux. Et puis on arrive à les conserver, on les envoie dans des écoles privées, on les bon, etc. Mais quand ils en font une, souvent, ça devient un peu dramatique. Alors donc, de quelle façon les adultes devront s'adapter aux enfants? Ben, de la même façon que les enfants devront s'adapter aux adultes par la vie. Il faut commencer à observer les choses et à cesser de refuser ce que l'on observe. Et la vie devient facile, bonheur. Est-il possible de respecter un enfant nouveau à l'intérieur d'une école traditionnelle? N'est-ce pas une tâche impossible en pareil milieu? Bon. Il y a une chose importante, c'est que l'enfant nouveau est quelqu'un d'individuel dans sa conscience. Travailler avec un enfant nouveau nécessite que l'éducateur devienne individuel dans sa conscience. Donc, il n'est pas toujours sur ses épaules le poids de « que vont dire les autres ». Je suis professeur, je te donne un exemple, j'ai une classe d'enfants relativement anciens que j'adore, je travaille bien avec, on les éduque bien, ils ont du fun, on s'amuse, on les arrose, on les chatouille, on leur pile ses pieds, on leur attache le soulier, on fait des coups traditionnels, quoi, bon, que les enfants font. Et puis, il y a un enfant nouveau là-dedans. Alors, cet enfant nouveau-là, évidemment, vit mal, comprend pas, il y a des problèmes d'adaptation sociale, c'est évident, c'est la société qui a un problème d'adaptation par rapport à lui. Lui qui est tout seul, c'est lui qui va souffrir. Bon. Alors, je dois absolument devenir complice. Lorsqu'il me parle des conneries, je dois moi aussi lui parler des conneries. Lorsqu'il me dit « Oui, mais la classe, une gang d'arriérés », ben, je dois répondre qu'effectivement, ils sont arriérés. Maintenant, je dois lui expliquer pourquoi. Lorsqu'il y a tel professeur, il n'aime pas telle chose, puis qu'il vient jaser avec moi, parce que c'est évident qu'à un moment donné, on va pas jaser ensemble. Oui, mais elle a jamais raison, puis elle est toujours en train de punir les autres, puis elle a tort, puis c'est ci, puis c'est ça. Cette personne-là, le professeur, ben je dois lui dire qu'effectivement, ça se peut. Sauf que je dois donc finir par devenir complice avec lui, parce qu'il a raison. On ne peut pas vouloir empêcher un enfant d'avoir raison. Un adulte qui est impoli qu'un enfant nouveau, il peut être sûr que l'enfant nouveau va être impoli avec. Après ça, l'adulte peut être puni, l'enfant viendrait me voir, puis il me dirait, oui, mais regarde, je rentre dans la classe, le professeur me regarde et dit, bon, maudit niaise, t'es encore en retard. Fait que moi, j'ai dit, ben moi, je niaise, t'es encore en train de crier. Bon. Puis après ça, je suis en pénitence. Fait que moi, il faut que je dise, ben, t'as bien fait de lui répondre de même. Parce que c'est vrai. Il a raison. Alors, je dois donc, il va dire, ouais, mais là, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, là, je lui explique que moi, je vis le même problème, mais je vis heureux. Tandis que lui, ben, il vit malheureux. Alors, il va dire, ouais, mais comment on fait? Ben là, voilà, on se communique ensemble. Il y a des choses qui sont connes, il va venir m'en parler souvent. Il faut que je dise, ben oui, c'est con, pas longtemps, je m'en suis rendu compte. J'en ai même bien plus de choses connes que ça, puis si tu veux, à un moment donné, il va se promener ensemble, on va t'en montrer des conneries. L'enfant devient intelligent. L'enfant, il découvre, puis vu que l'enfant, il est dans un cadre accompagné, c'est-à-dire qu'on est dans une semi-intervention, donc l'enfant ne s'en rend même pas compte qu'on intervient, ben l'enfant, il est prêt. Chaque fois que l'enfant va vouloir poser un acte assez grandiose, ça peut être une bataille, ça peut être une fugue, ça peut être n'importe quoi, il va venir m'en parler. Alors, évidemment, s'il veut faire une fugue puis il tient absolument, ben, je vais lui dire OK, puis je vais lui expliquer comment pas se pincer. Il n'y a pas de danger. Il va à l'école. Il est un pédagogue. Pas de danger. Alors, il va faire sa fugue, m'a montré où se cacher, m'a montré comment m'organiser pour la bibliothèque, m'a aller le voir de temps en temps. On s'occupe de l'enfant dans l'immédiat terme. Ce qui est important, c'est ce qui est là, pas ce qui va devenir. Parce que si on ne s'occupe pas de ce qui est là, puis qu'on s'occupe de ce qui va devenir, on peut être à peu près sûr qu'il ne deviendra jamais ce qu'il va devenir. Alors, je m'occupe de lui, là. Tu sais, même si il faut qu'il redouble une année ou deux années, il y en a plein qui le font, puis on les laisse aller, puis on s'en rend pas compte. C'est pas bien grave. Puis à un moment donné, ben, l'enfant devient complice. Ça prend de l'énergie de la part du bonhomme ou de la bonne femme. La personne devient quasiment ce qu'on a ici dans nos sociétés, qui est absolument génial, un grand frère ou une grande sœur. Même si le parent, c'est un couple, ça n'empêche pas qu'à un moment donné, il peut avoir un adulte, un ami. Alors donc, c'est de cette façon-là qu'à un moment donné, on peut arriver à travailler avec un enfant qui est peut-être nouveau dans un cadre qui est ancien. Sauf qu'on doit s'organiser pour supporter un peu du poids de ses problèmes et accepter qu'effectivement, il a raison d'en bain. Je suis certaine qu'il y a bien des questions qui vont se poser. Est-ce qu'un enfant nouveau avec qui un professeur deviendrait un peu complice pourrait être assez, disons, manipulateur pour amener ce professeur-là dans des troubles? Si le professeur est bien lucide, aucun danger. Parce qu'il y a une chose, c'est lorsque l'enfant va finir par vivre une complicité avec le professeur, Il va évidemment s'établir entre ces deux-là, parce qu'il y a différentes formes de complicité, n'est-ce pas? Il y a les complices au niveau du vol, qui peuvent se trahir d'un four à l'autre, et puis il y a les complices au niveau énergétique, c'est-à-dire un amour réel qui s'établit entre les deux. Ou, quand je parle de complice, c'est que l'adulte et l'enfant n'auront même pas besoin de se parler. À un moment donné, il va se passer quelque chose, les deux vont se regarder, les deux vont savoir, les deux vont avoir compris, ça va être clair, les deux vont être bien. Donc, l'enfant, il voit qu'il supporte une partie de ce qu'il vit est supporté par l'autre. Ça devient une espèce de complicité au niveau du plan mental, au niveau de énergétique. Et ce qui va arriver, c'est que si l'adulte est suffisamment à lui-même, ben, l'enfant ne tentera pas de manipuler l'adulte pour l'amener dans des trucs parce que l'enfant va trop le respecter. Et l'amour intelligent permet le respect, tandis que l'amour de l'homme normal ne permet pas le respect. Alors donc, il n'y a aucun problème. Dans la période du pourquoi, si l'on ne sait pas quoi répondre à l'enfant nouveau, vaut-il mieux se taire, même si cela crée de la frustration chez l'enfant et chez le parent? Non. Quand un enfant pose une question qu'on n'a pas la réponse, on doit partir à rire et lui dire qu'il est pas mal plus brillant que nous autres. Puis, effectivement, c'est une bonne question, puis on faudrait qu'on s'organise pour répondre. Alors, le parent, le pédagogue, le professeur doit s'organiser. Bon, bien, on va s'informer, là, on va trouver une place pour savoir, ça a de l'allure. Hein? Une question bébé banale, par exemple, les étoiles, est-ce qu'ils sont accrochées ou bien non, s'ils sont tout seuls dans les airs? Oh, ben là, ben répondez pas n'importe quelle connerie, parce que n'importe quelle connerie, parce que quand l'enfant découvre que c'est le Père Noël qui y tenait ou qu'il y avait je sais plus quoi, là, ben quand il découvre à un moment donné que ses parents l'ont trompé tout au long de son, tu sais, il finit par plus les tracer pour tout. Alors donc, le parent doit s'organiser s'il ne sait pas pour commencer à s'instruire. C'est pour ça que je vous dis que quelqu'un qui veut vivre avec un enfant nouveau d'une façon énergétique, vivant, ben aura plus besoin de suivre des cours de relations humaines, plus besoin de suivre des cours de ceci ou de cela. Il va avoir tout ce qu'il faut pour apprendre. Alors évidemment, il faudra qu'il achète des livres, il faudra qu'il s'instruise, il faudra peut-être même qu'il retourne à l'école, il faudra peut-être même qu'il apprenne de l'enfant, il faudra etc. On parle de questions, par exemple, au niveau sexuel, ben sachez une chose, c'est que pas de sexualité, pas d'enfant. L'enfant, vous l'aimez, il est bien beau, ben aimez tout ce qui l'a constitué, parce que sinon ça crée un maudit problème. Et puis l'enfant n'est pas pogné comme l'adulte. On le pogne à pas vouloir répondre, puis on le pogne à l'instruire tout croche au travers. Alors, il y a une panoplie de choses. L'humain doit être libéré. Vous savez, il n'y a rien de dangereux chez l'homme. Tout ce qui n'est pas permis devient dangereux. Parce que tout ce qui n'est pas vivant devient cancérigène, devient mort, devient pourriture, devient quelque chose qui, en fin de compte, tombe dans le monde de la mort. Ça devient beau en vibration. Ça finit par hanter l'humain qui est poigné entre ce qu'il ne doit pas faire et ce qu'il devrait faire. Puis lorsque l'humain a appris à intelligencer lui-même, ben, il vibre ce qu'il devrait faire, il vibre ce qu'il ne devrait pas faire. Puis quand il fait une erreur, ben, il serre la main parce qu'il dit « sac, je le sais que c'est une erreur, pour preuve que je suis intelligent. Hein? » Si tu le sais, c'est que tu l'as vu. Si tu l'as vu, des gens se le refaisent. Alors donc, quand un enfant pose des questions qu'on n'a pas les réponses, on s'organise pour lui serrer la main, n'est-ce pas? Ou le nez, ce que vous voudrez. Et puis, on va chercher la réponse avec lui. Comment encadrer l'enfant sans le brimer? Lorsque l'enfant pose une demande que le parent juge non admissible, jouer avec le feu, allumette ou briquet, trouver dans leur entourage, même après l'implication, l'enfant a tendance à manipuler le parent pour avoir ce qu'il veut. Il va même jusqu'à poser le geste malgré l'interdiction. Que faire? Enfant de 20 mois, jusqu'à quel point un enfant est considéré assez vieux pour comprendre de 20 mois, que faire, jusqu'à quel point? Bon, alors, si la question du feu ne s'adresse pas à l'enfant de 20 mois et que l'autre question s'adresse à cet enfant-là, on va commencer par le feu. La dame a dit que ça s'adressait à l'enfant de 20 mois. Le feu avec et tout ça. Bon, c'est intéressant. C'est un enfant qui est relativement précoce. Alors, il veut jouer avec le feu. On répond pour l'enfant qui est un petit peu plus âgé. Alors, on téléphone à la caserne de pompiers la plus proche puis on l'amène voir visiter. Alors, évidemment, ça va l'impressionner. Et puis, on lui explique que tout ça au complet... ça sert parce qu'il y a des enfants qui jouent avec le feu. Alors, quand il va voir la puissance énergétique qu'on a placée sur la planète pour ça, ben, il va peut-être penser qu'il y a quelque chose de... Il y a de l'inécologie quelque part là-dedans. Il risque d'y penser. À 20 mois, évidemment, l'amener la soie sur une sirène, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, à 20 mois, il veut fouiller avec des allumettes, etc., bien, on doit lui apprendre. Lui apprendre comment? Je donne l'exemple. Moi, si je serais avec l'enfant, je saurais quoi faire. Alors, évidemment, je donne des exemples ici. Là. Le pédagogue doit évidemment ajuster. Il a 20 mois. Est-ce que c'est un briquet? Est-ce que c'est des allumettes? Est-ce que c'est, les ronds du poêle? Évidemment, si le poêle est à terre, on peut monter ça un peu plus haut. Bon. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit lui expliquer toute une panoplie de choses jusqu'à temps qu'il comprenne. L'enfant de 20 mois, prenons l'exemple, c'est avec un briquet et il a perdu les parents en feu. Les parents devraient ne pas fumer, mais les parents qui fument, c'est parce qu'ils ont une raison intelligente de fumer. ça les terrestrifie, ça leur permet de moins partir flyer. Bon, et c'est un fait. Alors, d'autres, ça les rend passifs. Il y a des raisons. Alors, donc, ce qui va arriver, c'est que l'enfant joue avec le briquet, etc., puis on a peur qu'il découpe. Alors, on prend le briquet, à un moment donné, puis on y donne carrément. Alors, l'enfant va être tout content, tout fier. Là, il faut lui expliquer que c'est dangereux. Alors, il y a une autre affaire aussi. On ne parle jamais à un enfant avec des boubous, ça, caca. Maman n'a pas aimé ça. OK, là? On les traite, tu sais, on va dire, bon, alors, on parle comme on parle. On ne met pas plein de mots, mais on parle. Bon. Alors, l'enfant, lui, il va vouloir jouer avec. On peut prendre un papier, puis on met le feu après, puis on met ça dans un cendrier. Oh, que c'est beau, le feu! Oh, génial, vous trouvez ça beau. C'est vrai que c'est beau, du feu. Combien il y en a qui mettent des centaines de dollars, sinon des milliers, pour se faire bâtir un foyer chez eux? Bon, alors, faut pas obliger l'enfant de ne pas aimer le feu. Là, lorsque l'enfant a vu ça, ben là, on lui explique pourquoi qu'on veut pas. Là, on prend du tissu, hein, qui ressemble à nos rideaux, qui ressemble à notre tapis, qui ressemble à la nappe, qui ressemble à notre linge, quelque chose. On lui explique que ça, c'est pareil comme ça, là. On met le feu sur le papier, puis regarde, ça brûle. Bon, mais si ça, là, ce bébé-là, ça va là-dessus, là, tout ça, là, ça brûle. Là, le bébé, ben OK, c'est bien parfait. Là, on remet le feu encore, on prend sa main, pour la mettre dans le feu. Là, ouais. Là, il va, évidemment, la prochaine fois, tu vas lui montrer quelque chose, il va mettre ses mains dans les poches. Mais il va. Attends pas que la main se carbonise. Il faut qu'il sache que ça fait mal. Tant qu'à attendre, tu le découvres lui-même. J'aime autant, moi, tu le découvres quand je suis là. Là, après ça, je l'ai. Là, il a compris. Ça, c'est beau. Ça fait brûler ça. Ça peut faire brûler le linge. Puis quand le linge brûle, ça fait ça. Il y a de fortes chances que l'enfant comprenne. Si l'enfant veut récidiver, ben, on récidive dans la pédagogie. Et puis, quand l'enfant va vieillir un peu, s'il récidive toujours, évidemment, là, on parle toujours d'une intervention qui est par l'accompagnement, pas d'interdiction. Mais la meilleure chose, c'est pas lui interdire de jouer avec le feu. C'est de s'organiser pour qu'il puisse pas trouver de feu tant qu'il est trop jeune. Donc, pour lui, ce n'est pas l'interdiction, il en trouve pas. C'est pas pareil comme « touche pas à ça! » Ça, c'est de l'interdiction. Faites-moi confiance, si la journée que vous serez pas là, que la gardienne va dormir, il va être touché. S'il y en a pas, il y a pas d'interdiction, donc il y a toujours pas de tabou. Très important. L'enfant grandissant, là, il y a la caserne de pompiers. Ou encore, là, il y aura peut-être, à un moment donné, une vidéo qu'on va louer. Hein, la tour infernale, par exemple. Et on ne lui montre pas le film de même. Il faut lui expliquer. C'est pédagogique. Tous les films relatent des faits de la société. On prend un film sur la guerre. On lui explique. Papa, il est mort. C'est pas ça. Attendez un instant. Là, on note la cassette, on met la vidéo. Puis là, on lui dit, regarde, là, ici, là, ça, je sais pas. Moi, ça peut être autant n'importe le vent ou encore un film où il y a des parents avec des enfants. Un film de Walt Disney. Toi, le monsieur qui est là, il joue avec les enfants, il se baigne, il fait la haute la cassette. Et le monsieur en uniforme, c'est le même monsieur. Papa, il est mort. Ça la gare. Là, il va vibrer en sacrable. Alors là, l'enfant apprend. Là, il va comprendre que tu es les fusils, les mots du jouet, le panoplie de jouets cave qu'on a. Il va trouver que c'est stupide en sacrable. Bon. Alors, il y a donc une panoplie de choses. Au niveau du feu, c'est le même phénomène. Maintenant, on met pas, faut faire attention, on brûle pas l'enfant, on prend pas la main avec les briquettes. Tiens, mon petit maudit froid, c'est quoi le feu? C'est ce qu'on fait. Faut que lui ait compris toute l'escalade, le danger du feu. Qu'il ait compris ces choses-là. Alors, c'est pour ça que ça demande de l'intelligence d'éduquer. Ça demande de la vie. Ça demande, je parle un peu moins d'émotion, c'est-à-dire que, tu sais, qui punit bien, qui châtie bien, aime bien, apparemment. Non, ça, habituellement, ça, c'est pour ceux qui sont trop sadiques et qui veulent se faire pardonner. Sauf qu'effectivement, lorsqu'on est suffisamment aimant de nos enfants, bien, on s'arrange pour les éduquer convenablement. Puis là, je vais donner des exemples. Évidemment, c'est à adapter. Bien, il y a des parents qui diraient ça agréable. J'espère que je ne l'aurai pas comme professeur. Il n'y aura pas mon enfant comme élève, qui est professeur. Ça va être tough s'il y en a un qui demande un bulldozer, c'est dangereux, il va aller faire passer un bulldozer sur le pied pour lui montrer. T'sais. Mais non, c'est pas ça qu'il y a. On est intelligent et on apprend les choses. Tu prends une roche, par exemple, tu dis à l'enfant, écrase la roche, il n'est pas capable, tu prends la roche, tu la mets dans une machine qui peut l'écraser, puis elle l'écrase. Il va comprendre ce que ça veut dire danger. Tu ne mets pas la main dans le broyeur à déchets, c'est pas nécessaire. Il va comprendre. Alors, il y a plein de choses vivantes. On doit instruire l'enfant. Que faire avec un enfant continuellement en retard à l'école et qui ne veut rien foutre, faire ses leçons, etc.? Si on lui a déjà expliqué l'intelligence et l'économie d'énergie à faire, ce qu'il a à faire pour ne pas redoubler. Bon, s'il arrive en retard, il suffit de faire commencer la classe plus tard. Il va arriver à l'heure. Bon, à cette question ici, on pourrait répondre un paquet de choses. Il faudrait premièrement connaître l'enfant. Il y a des questions trop vagues qui ne peuvent pas, disons, se répondre. Premièrement, est-ce que c'est un enfant ancien, un enfant transitif, un enfant nouveau? Qu'est-ce qu'un enfant ancien? C'est un enfant qui pense comme tout le monde a pensé. C'est un enfant qui est culpabilisable. C'est un enfant qui est éducable par l'émotion, c'est-à-dire qu'on peut lui dire qu'on l'aimera plus puis il va le faire. Donc, c'est un enfant qui devient facilement esclave à ce niveau-là. C'est un enfant qui a honte, un enfant qui se sent coupable souvent. C'est un enfant qui ne comprend pas toutes les choses de la vie. C'est un enfant qui accepte facilement de ne pas faire ou de faire une chose pour la récompense. pense. L'enfant nouveau, c'est un enfant qui, lui, pense comme les enfants normaux ne pensent pas. C'est un enfant qui, de toute façon, est anormal, donc qui est naturel, mais qui n'est pas comme tous les enfants. Même si on a 15 enfants nouveaux, il n'y en a pas un qui est pareil, même s'ils auront des caractères d'expression similaires. C'est un enfant qui voudra comprendre pourquoi on lui demande de faire une chose, mais qui ne la fera pas s'il ne la comprend pas. C'est un enfant qui va paraître sans cœur rapidement. Il y a plusieurs choses. Disons, j'en parle, j'ai écrit un livre sur la, qui porte le nom La différence entre l'homme nouveau et l'homme ancien. Évidemment, on paramètre l'enfant ancien et l'enfant nouveau. Et l'enfant transitif, c'est celui qui a des symptômes de l'enfant nouveau, des symptômes de l'enfant ancien, et qui doit jouer entre les deux, comme beaucoup d'adultes ont aussi. Alors, ça dépend donc de l'enfant. Il arrive toujours en retard à l'école. Premièrement, est-ce qu'il est plus instruit parce qu'il rencontre sur le chemin de l'école? C'est une chose possible. Est-ce que le cadre de l'école est un cadre trop avancé pour lui, trop reculé pour lui? Est-ce que lui ne vibre pas l'intelligence de perdre sa jeunesse dans ce genre de cadre? Je dis souvent, et ça va finir par devenir un mot populaire à un moment donné, c'est que l'enfant nouveau ne comprend pas pourquoi il devrait perdre sa jeunesse pour préparer sa vieillesse quand il voit les personnes perdre leur vieillesse à regretter leur jeunesse. Bon. Alors, évidemment, il y a plusieurs phénomènes, il y a plusieurs symptômes. On devrait évidemment connaître l'enfant pour pouvoir répondre à cette question-là. C'est une question majeure, mais évidemment, plus il y aura d'adultes, plus il y aura d'éducateurs, de pédagogues qui seront, à un moment donné, formés sur l'intelligence de l'éducation ou l'éducation par l'intelligence, on pourra arriver à faire ces choses-là. Parce que qu'il n'ait pas de résultat à l'école, il y a ceci, il y a cela, il y a cela, ça dépend d'un groupe d'enfants. Moi, j'ai mon frère, par exemple, qui était tout à fait débile à l'école, et d'ailleurs comme moi. Et puis, à un moment donné, à sa fête, je lui ai acheté un ordinateur. Aujourd'hui, il est encore avec son ordinateur, sauf que c'est un ordinateur un peu plus grand. Il peut pas faire n'importe quel genre de programme. Assez qu'à un moment donné, quand il va se décider, il va faire un programme, il va le vendre, il va devenir très riche. L'école, ça ne l'a jamais intéressé. Il a toujours passé à côté, etc. Pourtant, c'est un gars extrêmement brillant. La preuve, présentement, il vit avec 3-4 personnes qui travaillent et que lui manipule bien, donc les autres le font vivre. Et on va dire c'est pas correct. Oh, c'est correct parce que les 3-4 personnes se sentent sécures avec lui, puis lui, ben, il vit avec les autres, donc il y a un échange d'énergie. Et puis à un moment donné, ben, il y a quelque chose qui va éclater chez lui, il va comprendre certaines choses, ou il attend que les événements arrivent, et puis il va se passer quelque chose. Alors on doit faire attention. L'enfant qui ne va pas à l'école, l'enfant qui a des notes très basses, n'est pas nécessairement un con. Ça peut être un cancre, si c'est un enfant ancien, pas si c'est un enfant nouveau. Alors la question est trop d'envergure, trop vaste pour que je puisse répondre, parce qu'il faudrait réellement qu'à un moment donné, je connaisse l'enfant. Il ne faudrait pas non plus que le mot doublé soit un mot qui fasse peur à quelqu'un. S'il y a à reprendre, il y a à reprendre selon ce qu'il a combien besoin. De fois, lui, combien de fois l'humain double-t-il sa phase d'adulte? Hein? Combien de fois redevient-il adulte? À chaque jour de l'an, il recommence. J'ai un garçon de 10 ans qui monétairement dépense tout son argent d'avance. C'est-à-dire, il a tellement des raisons logiques que je ne peux faire autrement que d'accepter de lui faire crédit sur ses prochaines payes. Je suis insécure dans cette attitude. Apprendra-t-il l'utilité d'en conserver une partie ou apprendra-t-il un jour à ne pas dépenser avant d'avoir l'argent nécessaire? Il a une attitude de pauvre. Et c'est extrêmement important de vérifier. Même si on a raison d'acheter quelque chose, si on n'en a pas les moyens et qu'on l'achète, on vit comme un pauvre. Le pauvre est celui qui dépense toujours l'argent qu'il va avoir, donc il n'a jamais d'économie, ce qui fait qu'il ne peut jamais se permettre de choses grandioses, et il passe souvent sa vie à maudire la société et à maudire les riches. Le riche, souvent, est celui qui économise pour dépenser plus tard. Et à un moment donné, c'est exactement comme si tu prends ta carte de crédit, tu vas acheter pour 500 $, si tu as l'argent en banque, c'est intéressant de le faire, il n'y a aucun problème. Si tu ne l'as pas en banque et tu vas l'économiser dans le mois, si tu peux économiser l'argent pour payer ta carte de crédit après, tu peux donc économiser pour payer avant. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce principe. Je me suis endetté, là, puis ça m'a pris un an pour tout payer. Si tu étais capable pendant un an d'économiser pour payer ta dette, tu devrais être capable dans l'année suivante pour économiser, pas de dette. Et si tu es capable d'économiser après, tu es capable d'économiser avant. Et une fois que tu as économisé avant, tu t'es privé, oui. Mais après ça, quand tu achètes des choses avec l'argent que tu as. Alors, évidemment, l'enfant a des raisons intelligentes, ça va de soi, mais il n'a pas compris le principe de l'énergie. Alors, ou de la richesse, ou de ça comme vous voudrez. Alors, on doit donc commencer à instruire l'enfant de ce que c'est qu'une carte de crédit. Alors, au lieu de lui donner, par exemple, des avances, on doit s'arranger pour lui montrer une carte de crédit, parce que c'est la société qui vit avec ça, donc en partant, il va déjà comprendre le phénomène, on l'annonce à la télévision, etc., etc. Et quand on va trouver des articles après ça sur les cartes de crédit avec les dangers, les sommes, on peut lui suggérer, faire lire. Il aura fallu qu'on le fasse souffrir un petit peu avant pour qu'il lise, là, mais il va au moins comprendre. Alors, je lui donne une carte de crédit, par exemple, de 50 $, et je lui dis qu'il peut avoir des avances d'argent, juste la concurrence de 50 $. Et à tous les mois, il faut qu'il rembourse. Et je vais décider combien il rembourse. Je lui explique évidemment les règles, on ne les change pas. Oh, l'enfant, il vient tout de suite voir. OK, parfait, j'envoie 50 pièces. Ben, si on a décidé 50, on donne 50. Là, il va acheter des cossins. Le mois arrivant, ben là, il demande maintenant, il faut que tu donnes au moins 10 $. Ah oui, mais là, j'ai mon argent de poche. Parfait, je donne 20 $ ton argent de poche, et puis là-dessus, 10 $ qui vient à moi. Allez, va chialer. Tu dis non, c'est ça. Et maintenant, tu peux, tu as 10 $ de moins sur ta carte. Là, l'enfant va crier, mais il faut lui expliquer si ça ne garde pas. L'enfant ne voudra pas jouer. Et le mois d'après, ou la semaine d'après, dépendant quand est-ce qu'on veut qu'il paye sa carte, ben on rentre dans sa chambre, puis on prend quelque chose qu'il a besoin. Ça, c'était saisi. Voilà. Et puis, on va même le vendre dans un mois s'il n'a pas remboursé la totalité de tout. L'enfant va crier, il va gueuler, il va trouver que ses parents sont vaches, puis s'il en parle à ses amis ou à vos professeurs, il va trouver, ben, il va se rendre compte que beaucoup vont trouver que ses parents sont géniaux. Et puis, à un moment donné, ben là, il va finir par vouloir avoir quelque chose, alors il va remettre un peu, et puis là, on fait comme les banques. Ben, on remet des choses, et puis on lui dit, maintenant, tu devais 50 $, tu as remis 30 $, ce qui fait que tu peux encore emprunter 30 $. Ben, il va dire, bon, ben, si je remets 10, je reprends 10. Oui, sauf que tu es toujours endetté, puis si tu ne payes pas, moi, je vais saisir à un moment donné. Par contre, une autre chose, c'est que si tu empruntes 50 et tu payes, tu le remets, à un moment donné, le 50 va passer à 75. On va augmenter ta marge de crédit. Et puis, ça, c'est un exemple. À 10 ans, il peut tout comprendre ça, puis il peut même trouver ça très dangereux. Alors, il doit apprendre à payer en énergie. Alors, donc, l'enfant va, on doit lui expliquer, justement, qu'à un moment donné, il va vouloir faire un voyage. Ou par exemple, on sort au cinéma, puis l'enfant n'a pas d'argent. Alors, l'enfant va dire, oui, bien là, payez-moi-le. On va dire, non, tu avais de l'argent, si tu en aurais, tu viendrais avec nous autres. Certains parents vont dire, oui, mais à la longue, il ne sortira plus jamais avec nous autres, parce qu'en fin de compte, il est toujours endetté. Pas de problème, tu peux y en avancer encore, puis là, il faudra qu'il te le paye, ou encore, tu prends quelque chose en échange, puis il paye son cinéma. Il y a toute une panoplie de choses, mais c'est très important que l'enfant apprenne à comprendre tout de suite la question d'échange d'énergie. Vous savez que vivre d'une façon structurée et stable, pas nécessairement quand je dis en riche, il faut s'entendre, mais avec la mentalité que quand tu trouves une scène à terre, tu la ramasses et tu la conserves, c'est de l'énergie, et non pas avec la mentalité qui te reste une scène dans tes poches, tu t'achètes, tu le tires dans ta canale, la mentalité du pauvre. L'enfant doit apprendre ce genre de choses. Il ne sera pas crispé que la matière, il ne sera pas un matérialiste au bout, absolument pas. Les pauvres sont matérialistes. Tous ceux qui jettent la matière sont matérialistes, parce qu'eux autres se foutent carrément de toute l'énergie placée dans cette matière-là. Celui qui la garde et qui la respecte, d'une façon intelligente, s'en sert comme outil. Celui, évidemment, qui la vénère, n'a rien compris non plus. Il suffit d'instruire. Je suis d'accord pour expliquer l'intelligence d'un acte quelconque, comme ton exemple du garçon de 3 ans et du chemin de fer. Mais que peut-on faire d'autre que des gros yeux et des interdictions énergiques pour les 3 ou 4 premières années de vie? Bon, les gros yeux, effectivement, il y a même encore, on s'en sert encore des fois jusqu'à l'âge de 11 ou 12 ans. C'est pas les gros yeux. Bon, même des fois, on s'en sert sur son chum ou sur sa blonde. Les 3-4 premières années de la vie sont des années extrêmement importantes. Premièrement, il y a des raisons, disons, peut-être un peu plus cachées, méconnues, disons, ésotériques ou occultes à ce phénomène. Mais il y a des raisons avec d'ordre pratique. L'enfant, évidemment, qui n'a pas encore suffisamment d'intelligence ou d'énergie pour comprendre la parole. L'enfant qui ne sait pas parler. L'enfant d'un an. L'enfant de 2-3 ans qui ne comprend pas, qui n'a pas suffisamment de conscience au niveau cérébral parce que la programmation neuronique n'est pas finie. Il va se terminer vers l'adolescence biologique. Ben, évidemment, cet enfant-là, si on veut lui expliquer des choses un peu trop grandes, des choses dangereuses, évidemment, il faudra intervenir souvent. Les gros yeux, ça ne sert à rien. Maintenant, c'est évident que c'est préférable, vous savez, de donner une fessée à un enfant. Quand je parle d'une fessée, je ne parle pas de coup de strap ou de coup de fouette. Je parle de toucher corporellement un enfant plutôt que de vouloir l'agresser psychologiquement. Alors, pendant longtemps, l'éducation, c'était flore, flore, flore. On a trouvé que ça faisait des marques, ça a traumatisé l'enfant, on a arrêté. Mais maintenant, de quelle façon on fonctionne? Bon, il va psychologiquement. C'est pire, mauditement. Alors donc, l'enfant qui n'a pas le choix de comprendre, qui ne peut pas comprendre, ben, il devra comprendre que s'il le fait, il va se passer quelque chose. Alors, s'il y a donc le phénomène de prendre un enfant, serrer un enfant, c'est plus traumatisant que lui donner une claque. Et on doit taper sur les fesses, surtout pour la simple raison que sur les fesses, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la nature qui a prévu ça, mais en tout cas, si on me l'aurait suggéré, j'aurais opté pour. C'est la place la plus cotonnée, n'est-ce pas? Quand ils ont des couches, intéressant. Mais c'est la place la plus qui fait le moins le mal. Et surtout, c'est la place qui, chez l'enfant, est la moins insultante. Alors, lorsqu'un enfant est debout en équilibre, il commence à marcher, et qu'on donne une claque sur l'épaule, on le déséquilibre. Le déséquilibrant, on le frustre carrément dans son apprentissage de quelque chose de neuf. Si on l'arrête, on le prend puis qu'on lui donne une claque sur les fesses, ou si on le tient pour ne pas qu'il soit déséquilibré, on ne tape pas fort. L'idée n'est pas de frapper fort. L'idée est que lui sache qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas se faire pour une raison particulière. C'est une programmation de la psychologie. Ça revient un peu à l'idée du chien de Pavlov. À un moment donné, c'est une programmation psychologique. Mais à certains âges et dans certains cas, c'est nécessaire. Mais il y a toute une panoplie de choses. On ne frappe pas l'enfant sur l'épaule, on ne le frappe jamais en plein visage, parce que c'est par là qu'il voit et qu'il entend et qu'il sent et qu'il goûte. Donc, à un moment donné, il va fermer certains sens pour la simple raison qu'il est brimé, il ne sait plus pourquoi au niveau des sensoriels. Si l'enfant est déséquilibré, ben alors qu'il est en train d'apprendre à marcher, il y aura une frustration motrice à ce niveau-là. Donc, il y a toute une panoplie de choses qu'on doit faire. L'enfant, on doit lui parler, on doit ajuster la voix, jamais crier. C'est-à-dire jamais crier émotivement. On ne doit jamais crier émotivement pour un enfant. Quand on parle faire les gros yeux, c'est comme si, quand on crie émotivement, l'enfant se rend compte qu'on est hors de notre contrôle. Alors, il va finir par découvrir qu'il peut facilement nous faire sortir. Si on parle avec un contrôle puissant... Bon, dernièrement, j'étais avec quelqu'un, avec un enfant, justement. Vous allez rire un peu, c'est un peu original de faire ça en conférence, mais il faut s'amuser un peu. Et on parlait des sirènes d'ambulance. J'ai fait de l'ambulance. Et l'enfant me demandait... Il y a des sirènes, on dirait, qui portent un message. Alors, j'ai dit oui. Je vais t'expliquer. Regarde bien ceci. Lorsqu'on a une sirène comme... sirène comme ça. Bon. Cette sirène-là, elle donne l'impression qu'il y a quelque chose d'important, de puissant qui vient et ça, même celui qui ne connaît pas l'autorité de ce phénomène-là arrête, va faire quelque chose. On a notre sirène, je ne vous l'imiterai pas aussi fort. C'est celle où que l'ambulance, par exemple, arrive sur une intersection ou arrive quelque part où les individus ne réagissent pas assez vite ou encore où les individus doivent réagir plus vite. Le son long et lent, c'est pour avertir. On prépare. Lorsqu'on arrive sur une intersection, on va avoir un phénomène comme « oui, oui, oui, oui ». C'est bon? En France, c'est « oui, oui, oui ». Puis là, ça fait rire les Français. Bon. Alors ici, on a deux tons. Il y a des ambulances qui auront ou des chars de police, par exemple, qui auront comme un son « oui, oui, oui, oui, oui ». Ça crée quoi? Ça crée la panique. On a l'impression que le véhicule qui vient est hors de contrôle. Et normalement, les gens ne savent plus où aller. Et c'est un fait. Si par contre, on a, ça dépend des compagnies qui font la sirène, on a un autre son qui va être « oui, oui, oui, oui ». Là, on a la puissance contrôlée. Là, on porte plus respect. Le blessé qui est à terre et qui entend « oui, oui, oui, oui, oui ». Mais s'il entend « oui, oui, oui, oui », il s'en rassure dans un cas, puis dans l'autre cas. Alors, l'éducation, c'est le même phénomène. L'enfant le perçoit. Alors, on parlait de ça avec l'espace jeune, et puis, effectivement, il avait découvert que certains sons étaient comme impressionnants, c'était comme de la puissance contrôlée. Puis d'autres sons, c'était comme une puissance incontrôlée. Ça, c'était peurant. Lorsque le parent a une voix particulière et qu'il dit à l'enfant, « Je veux plus que tu recommences. » Puissance contrôlée. « Je veux plus que tu recommences. » Puissance incontrôlée. Tu coupes, il y aura peur du parent. Il y aura un paquet de phénomènes qui va se passer. Et si c'est toujours « je pue que tu recommences ». J'ai compris. Il y a une puissance, il y a quelque chose qui va le paramétrer. Il y a toujours de l'amitié, il y a toujours de l'amour intelligent, il y a toujours un contact, il y a toujours, etc., etc. Alors, c'est à développer. Je parlais à un moment donné que l'enfant doit apprendre à parler, doit apprendre à ajuster sa parole parce que la parole ajuste la pensée. L'adulte doit faire le même phénomène. Puis, à un moment donné, l'adulte arrive à communiquer complètement. Alors, au niveau du contact physique, il faut faire attention. Ce n'est pas un contact qui est puissant. C'est un contact qui est psychologique, si on peut dire, mais c'est un contact qui passe par le physique pour nous conserver la relation amicale, intelligente, par de la parole dans cela. Si on veut brimer l'enfant par la parole, on finit par se servir d'un outil où on pourrait communiquer avec lorsque c'est le temps, et l'enfant ne pourra jamais savoir si on joue ou si on ne joue pas. Tandis que si on veut réprimander, on a une mécanicité, et si on veut faire le reste de la vie, on a l'autre mécanicité, l'enfant n'aura jamais de doute entre l'un et l'autre. Quand papa ou quand maman est en colère, et ça, on le sait. Quand ils ne le sont pas, on le sait. Sinon, à un moment donné, on ne le sait plus. Alors, évidemment, et je répète encore qu'à l'âge de 1, 2, 3, 4 ans, tout ce qui sert à la découverte, l'enfant se sert de ses mains pour découvrir, taper les mains de l'enfant, c'est tout à fait imbécile. Parce que l'enfant s'en sert pour découvrir, on le prie. Il ne sert pas de ses fesses pour découvrir. Juste à l'époque de la phase anale, ne faites-vous-en pas, c'est dans ses couches qu'il le fait normalement. Ça fait que si on tape ses fesses, ça le réchauffe, ça le dérange pas. Bon. Alors, taper sur les mains, on ne fait pas ça chez l'enfant qui est à la phase, disons, de découverte par les mains. On ne tape pas sur la bouche parce qu'il met des choses apparemment sales qui vont simplement l'immuniser contre des choses de notre vie. On fait attention à, donc, à plusieurs choses. L'enfant qui se sert d'outils pour découvrir, on ne doit jamais le brimer par ses outils. Qu'on le veuille ou non, il faut faire attention. Je suis tout à fait contre le fait de donner des fessiers. Mais effectivement, à un moment donné, il y a des enfants qui sont d'une vibration où ce que l'enfant, ça dépend de des cartes, mais un enfant qui peut mourir, mais il ne peut pas comprendre, puis continue toujours, puis il peut mourir, bien, la fessée devient un palliatif extrêmement intéressant. Comment le couple devrait fonctionner avec l'enfant? Parce qu'on n'a pas les mêmes idées dans l'immédiat. Par exemple, devrait-on laisser mon mari ou les autres disputer l'enfant et de s'en parler après ou d'intervenir et de et s'éduquer tous en même temps? Bon, une chose intéressante, c'est que quand on a un couple, disons, qui est encore relativement, qui s'équilibre assez bien, quand le couple ne va pas, il devrait toujours demander aux enfants quoi faire. Alors, ils veulent se chicaner, là, ils vont chercher l'enfant, puis là, normalement, ils ont déjà commencé à chicaner de temps en temps, fait que l'enfant n'aime pas ça. Alors, ils vont chercher l'enfant, puis ils vont demander à l'enfant, là, on va encore se chicaner, là, fait que, vous connaissez ça, toi, les chicanes, là, c'est ce qu'on devrait faire. Fait que l'enfant va répondre, tu vois, ben, chicanez-vous pas. Il a raison. Bon, on devrait essayer d'inclure l'enfant dans la vie, du coup, ce que normalement, on ne fait pas. Nous, on rentre dans la vie intime de l'enfant tant qu'on veut, puis quand c'est nos bebelles, l'enfant rien à voir là-dedans. L'enfant a le droit d'être dedans. Et on devrait prendre l'habitude. Ça, c'est évidemment, on s'en égoïse, il faut piler un peu sur l'orgueil de l'adulte, parce que normalement, l'enfant, c'est, tu sais, l'adulte est bon. Comment le couple devrait fonctionner avec l'enfant? Bon, c'est évident que on a dit souvent que le père était là pour taper, puis la mère était là pour consoler. Bon. Écoutez, franchement, j'espère que c'est suffisamment passé, qu'il y a suffisamment d'hommes transitifs ici pour se taper, et suffisamment de femmes transitives pour commencer à taper. Bon. C'est-à-dire que l'éducation se fait des deux. Première chose importante, ne jamais parler d'éducation de l'enfant devant l'enfant. Je parle entre couples. C'est-à-dire qu'on ne devrait jamais instruire l'autre comment éduquer devant l'enfant. C'est pas de même qu'on fait ça, la force de faire ça, il va finir par... Oui, là, il apprend tout, là, lui, là. Alors, on en parle tous les deux, l'enfant n'est pas là. Si, à un moment donné, devant l'enfant, il y en a des deux qui fait une connerie, on laisse faire. Quand l'enfant n'est pas là, on en parle. C'est la même chose. Quand un enfant fait une connerie devant ses amis, on laisse faire ou on le prend à part par la suite, on en parle. Pas devant tout le monde. Bon, parce que l'enfant a suffisamment d'égo pour perdre la face. À un moment donné, il n'aura plus assez d'égo pour perdre la face, il sera plus heureux. Est-ce qu'on doit laisser, par exemple, un parent injustement exprimer de l'injustice sur un enfant? Non. Alors, on va dire, oui, mais là, dans ce temps-là, moi, je me mets du côté de l'enfant, puis là, le bonhomme, la bonne femme va penser que toute la famille est contre lui. Je dirais presque tant pis pour lui ou pour elle. Ça crée des problèmes inécologiques, sauf que l'adulte a plus d'outils pour s'en sortir que l'enfant. Alors, on ne doit pas être du côté de l'adulte pour préserver le couple au détriment de l'enfant, qui, lui, a moins d'outils pour le supporter. Alors, à un moment donné, si l'enfant répond que c'est injuste, ce que souvent, c'est un langage que l'enfant nouveau va avoir souvent, ah, évidemment, si on voit de l'injustice, il faudra en parler. Et le problème du couple, ben, dans l'éducation, c'est sûr que si le couple finit, il y a des adultes qui vont être, par exemple, pour les fessées tout à mettre en main, d'autres vont être pour le laisser libre total, ben, à un moment donné, il faudra que les deux finissent par s'ajuster, parce qu'on ne peut pas fonctionner avec deux cadres d'éducation chez un enfant. Ça ne peut pas marcher. On va dire, on va laisser lui aller, puis il m'a tout raccommodé par en arrière. Ça ne peut pas marcher. Alors, ce qui fait qu'il faut absolument que les deux individus finissent par acheter les mêmes livres, hein, ou suivre les mêmes séminaires, ou aller dans les mêmes écoles, mais il va falloir absolument qu'ils finissent par s'entendre tout simplement. C'est essentiel. Gros travail de couple, mais c'est essentiel. Et si ça amène le couple à divorcer, ben, qui divorce? L'adulte a suffisamment d'outils pour supporter la vie, l'enfant, non. Il ne faut pas attendre que le couple divorce malgré tout, ou que les enfants fassent des feux ou se ramassent n'importe où. Disons qu'il y a des problèmes. Lorsqu'on a un enfant, on a une responsabilité planétaire. Et évidemment, l'enfant a un rôle à jouer, une fonction à jouer, l'adulte aussi. Mais l'adulte peut le jouer sans l'enfant, tandis que l'enfant ne pourra pas le jouer sans l'adulte. S'il y a deux adultes qui sont plus portés à se chicaner puis à mettre plus d'énergie sur eux autres que sur les enfants, ben c'est ce qu'il faut dire que l'enfant va être. Jusqu'à quel âge l'adulte a des responsabilités face à un enfant nouveau qui doit être considéré comme adulte? Bon, l'adulte a des responsabilités face à tout ce qu'il vit. Donc, que l'enfant ait 16 ans, que l'enfant ne reste plus avec eux, que ce soit l'enfant du voisin, que ce soit l'adulte ou la grand-mère en face, un adulte conventionnel, un adulte, disons, convenable, un adulte écologique a une responsabilité face à la vie. Son enfant, c'est un terme extrêmement pénible, mon enfant, parce que c'est un enfant. L'enfant veut dire qu'il a certaines capacités que souvent l'adulte n'a plus, et il y a des capacités qu'il n'a pas que l'adulte a. À un moment donné, l'enfant sera un humain, l'adulte sera un humain, puis là, ça serait intéressant. La responsabilité n'arrête pas à un moment donné. Sauf qu'on doit aimer l'enfant d'une façon intelligente, donc non pas d'une façon spécifiquement psychologique, d'un amour qui ne permet pas le respect. Alors donc, lorsque l'enfant a 16 ans, s'il veut partir, on le laisse partir. Si l'enfant a besoin d'aide, on l'aide. Il y a beaucoup d'adultes qui disent, par exemple, si tu sors d'ici, tu reviens plus jamais ici. Ça se fait de moins en moins, mais ça s'est fait souvent. C'est assez pour que l'enfant parte, puis si l'enfant reste, c'est pour bénéficier, donc pour voler ses parents. C'est pour bénéficier de les parents. Alors, l'enfant doit s'en aller, doit venir aussi dans l'autre parc tant qu'il veut. C'est sûr qu'à un moment donné, l'enfant qui devient un enfant têteux, qui reste écrasé à la maison, puis qui est rendu à 37 ans, qui est encore là pour têter, ben, on doit le botter derrière, puis le mettre à la porte. Alors, il y a toute une panoplie de choses, donc la question est extrêmement grandiose encore une fois, donc trop d'envergure. À un moment donné, on va revenir à ce genre de choses-là, mais l'enfant doit être respecté comme un adulte de sa naissance, aller jusqu'à sa mort. Qu'est-ce qui différencie la psychologie du mental? Bon, il n'y a pas de psychologie mentale, il y a une mentologie, on pourrait dire psychologie, psycho voulant dire âme. Alors donc, qu'est-ce qui différencie les deux choses? De plus en plus, l'humain d'aujourd'hui découvre qu'effectivement, il existe chez lui quelque chose de bizarre et quelque chose d'émotif. Il faut mettre des mots là-dessus pour arriver à communiquer ensemble. Alors, je parle donc du plan mental, du plan astral, du plan psychologique. Le mental provient du plan psychologique. C'est-à-dire qu'on parle d'un terme astral, c'est-à-dire que c'est un terme qui date de l'Antiquité, d'ailleurs comme l'âme, comme psychologie, psychose, qui date aussi de l'Antiquité. Et ces termes sont relativement intéressants et justes. L'astral va être constitué des mémoires, tout ce que l'humain va pouvoir mémoriser au long de sa vie. Alors, je donne l'exemple souvent que lorsqu'une personne est camionneur, ben, si on lui demande de jaser, il va nous parler de camion. Toute la mémoire qu'il a accumulée est une mémoire de camionneur, ce qui fait que si je dis un jour que les camionneurs sont des maudits sans dessin, il va se sentir frustré. Pourquoi? Parce qu'il vit cela. Alors, ceux qui sont, secrétaires parlent de secrétariat, ceux qui sont médecins parlent de médecine, ceux qui sont violeurs parlent de viol. Bon. Alors donc, on a notre mémoire et cela fait partie de ce qu'on appelle le plan astral qui va être, disons, qui va être paramétré par l'âme dans laquelle va vivre des mémoires, les mémoires expérientielles, les mémoires volatiles, l'expérience. Et lentement, ces mémoires, lorsqu'elles sont suffisamment répétées, finissent par constituer l'ego. L'ego s'identifie dans ces mémoires-là et c'est ce qui normalement crée l'homme psychologique. Normalement, l'enfant va commencer à s'identifier lorsqu'il va commencer à dire « j'ai faim » au lieu de dire « Daniel a faim ». Bon. L'identification va se fusionner, va se finaliser vers l'adolescence, vers la crise d'adolescence psychologique, qui normalement, chez l'enfant ancien, se fait en même temps que la crise d'adolescence biologique. L'enfant devient sexué. Alors donc, le mental, c'est quoi? C'est lorsque l'humain finit par se dire « je devrais faire ça, c'est bon, c'est évident, c'est ça. » Puis l'humain, « mais je ne suis pas capable. » Il y a la phase émotive, la phase psychologique qui domine encore, il y a la phase mentale qui commence à intelligencer les choses. L'humain qui se dit, c'est vrai que fumer, c'est pas bon. C'est mental. L'humain qui se dit, je devrais arrêter de fumer, ça peut être psychologique. Il a appris que c'était pas bon. Et l'humain qui le vit, mais qui se dit, oui, mais c'est bien beau, mais ça se fait pas de même. C'est mental. Puis l'humain qui continue à fumer peut fumer mentalement. L'humain qui, à un moment donné, a besoin de cigarettes, c'est astral, c'est psychologique. L'humain qui va acheter un auto, qui choisit l'auto pour sa beauté, fait un choix émotif. L'humain qui choisit l'auto pour sa rentabilité fait un choix mental. L'humain qui, à un moment donné, est capable de faire des choses qu'il n'aime pas faire, mais il les fait parce qu'il sait que ces choses doivent être faites, fait des choix mentaux.